Moins bien hier, tiens, par contre, puisque hier il y avait encore des averses et de fines pluies. Aujourd'hui, on a un temps sec. Alors, c'est très nuageux sur, je vais dire, le nord du Sillon-Sambre-et-Meuse. C'est bien dégagé au sud de celui-ci. Et au fil des heures, les éclaircies devraient quand même gagner du terrain sur le centre aussi. On attend 13 à 17 ou 18 degrés. Le vent d'est est bien présent, modéré. Il sera un petit peu piquant. Demain, le soleil sera généreux partout. 10 à 15 degrés. Pour la fin de la semaine, on attend un temps sec et avec quand même pas mal de nuages et une moyenne de 10 à 14 degrés. Viva 9h. Viva le journal, Sébastien Pierret, bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Et le bras de fer qui est donc engagé entre la direction d'ING et les syndicats. La direction voulait commencer les négociations dès aujourd'hui. Les syndicats l'ont envoyé balader. Ils veulent d'abord étudier tous les arguments pour préparer et proposer des contre-propositions. ING va se séparer de plus de 3000 employés. Pour la moitié, ce sera des licenciements secs. Mais l'administrateur délégué d'ING Belgique l'assure, lui aussi veut limiter la casse sociale. Donc j'ai cité hier que il y aurait un impact maximum de 1700 licenciements. Mais j'espère vraiment pouvoir amener ce chiffre et le faire descendre. D'accord. Notamment s'il y a des prétentions peut-être plus anticipées à partir de 55 ans, 54 ans. En fait, pour cela, il faut vraiment qu'on ait ces discussions au plus vite avec les partenaires sociaux et essayer de trouver des solutions. Rick Vandenberg, l'administrateur délégué d'ING Belgique avec Bertrand N. De leur côté, les syndicats ne comptent pas rencontrer la direction avant lundi prochain. Priorité à la riposte avec une grève et un rassemblement prévu vendredi devant le siège social de la banque à Bruxelles. Moins 3000 emplois chez ING, moins 650 emplois chez AXA. Les licenciements dans le secteur bancaire, ce qu'on appelle le secteur tertiaire, se multiplient ces dernières semaines. Alors oui, il reste des emplois disponibles pour recaser ces personnes, mais pour les plus de 50 ans, c'est clair, ce sera très difficile de retrouver un job. Stéphane Theys est responsable de l'Observatoire bruxellois de l'emploi chez Actiris, l'Office bruxellois de l'emploi. Effectivement, l'âge est un facteur aujourd'hui déterminant à peu près pour la majorité des profils sectoriels et des profils d'activité. Donc on sait que passé 50 ans, la probabilité de retrouver un emploi a tendance à faiblir même pour les travailleurs qualifiés. La reconversion professionnelle s'opère souvent au prix d'une réduction de leurs prétentions salariales ou de ce qu'on leur offrira comme nouveau niveau de salaire. Le secteur bancaire a une structure d'âge relativement vieillissante. On a près de 65% des travailleurs du secteur ont plus de 40 ans et près de 36% ont plus de 50 ans, ce qui va sans doute compliquer les opérations de reclassement, ça c'est certain. Mais là encore, il faudra voir comment se distribuera le profil des gens qui seront concernés par ces vagues de restructuration. Mais très probablement que nous aurons une surreprésentation de personnel plus âgé ou de plus de 50 ans. Stéphane Theys, responsable de l'Observatoire bruxellois de l'emploi chez Actiris. Il était joint par Miguel Allo. Les filles et les garçons transpireront bientôt ensemble à l'école. Oui, fini les cours de sport avec d'un côté les filles, de l'autre côté les garçons. La ministre de l'Égalité des Chances en Fédération Wallonie-Bruxelles, Isabelle Simonis, fait la proposition de cours de gym mixte. Objectif, plus d'égalité entre les hommes et les femmes. Je crois qu'en plus, on sépare les petits garçons et les petites filles, les adolescents entre eux. Au moins, on se connaît. Et il a été démontré dans diverses études que des groupes non mixtes avaient tendance à renforcer des comportements sexistes ou en tout cas une vision inégalitaire de la société. Donc c'est pour ça que je dis que la mixité est une condition, je crois, de l'égalité, pas la seule, mais c'est une manière de pouvoir renforcer l'égalité. Isabelle Simonis, la ministre de l'Égalité des Chances en Fédération Wallonie-Bruxelles, elle était jointe par Nathalie Servet. La chasse aux milliards continue pour le gouvernement fédéral, au menu du jour des rencontres bilatérales. Le gouvernement doit trouver 4 milliards 200 millions d'euros et le temps presse puisque dans une semaine tout pile, le Premier ministre fera sa déclaration de politique générale devant la Chambre et les députés attendent des précisions. Dernière ligne droite au procès de Bernard Westphal. La journée sera consacrée aux plaidoiries des parties civiles et aux réquisitoires de l'avocat général. La défense plaidera demain et si tout se passe comme prévu, les jurés entreront en délibération jeudi. Et Michel Gretry, une seule question sera posée aux jurés. Une question, une seule, c'est ce que le président a prévu de soumettre au juré. L'accusé a-t-il commis le crime d'homicide ? C'est conforme à l'acte d'accusation, tuer avec l'intention de tuer. Ça signifie que les faits n'ont pas été requalifiés en assassinat, un meurtre prémédité. Ça signifie que les faits n'ont pas été disqualifiés en coups et blessures qui auraient entraîné la mort sans volonté de la donner. Ces interrogations peuvent en théorie encore être ajoutées, mais c'est devenu hautement improbable. La délibération programmée pour jeudi pourrait donc être relativement bref. À présent que le procès a franchi cette étape des rapports d'enquête et des témoignages, une réflexion s'impose sans doute. Avec des précisions très crues dévoilées à longueur d'audience sur l'intimité des uns et des autres, les débats n'ont pas toujours évité une forme de voyeurisme. Mais c'est le prix à payer pour la transparence de la procédure. Il s'agit de s'assurer jusque dans les détails que la justice n'envoie pas un innocent derrière les barreaux. Il s'agit de s'assurer que la police a correctement travaillé pour apporter à la famille d'un défunt les réponses aux légitimes questions qu'elle se pose. Les excès de sensationnalisme ne devraient pas cacher la vertu très démocratique d'une cour d'assises. Deux mois et demi après le coup d'État raté en Turquie, 12 000 policiers turcs ont été mis à pied. Ils sont soupçonnés d'être liés à Fethullah Gulen, un rival du président turc et aujourd'hui exilé aux États-Unis. Les autorités turques ont décidé hier de prolonger l'état d'urgence de 3 mois. Et puis en sport, la dernière course cycliste de la saison, c'est aujourd'hui en Wallonie. Avec Binche-Chimay-Binche, 6e édition de cette course, au programme 194 km, quelques pavés et des beaux noms sur la ligne de départ. Pourtant, chaque année, à cause d'un calendrier qui déborde, c'est une petite bataille et une guerre entre les organisateurs et les équipes pour obtenir la participation de grosses écuries et surtout des meilleurs coureurs. Écoutez Jean-Luc Vandenbroek, l'organisateur de Binche-Chimay-Binche. Cette année, je dois le reconnaître, on a quand même la chance d'avoir le championnat du monde en toile de fond. Et ça, ça joue un rôle quand même sur la composition des équipes. Et je suis quand même fier de présenter 19 équipes. Et surtout, j'ai quand même des noms, quand même l'équipe BMC avec Van Avermaet, avec une équipe super, l'équipe Etix. Lefebvre me met une équipe avec Gaviria, Trentin, Stibart et Bonnen. La FDJ me met une équipe avec Arnaud Demar. L'équipe IAM avec De Venens, Van Gunnuchten. Donc je pense qu'on a vraiment une très belle affiche cette année. Interview de Samuel Grulois, Binche, Chimay-Binche, une course à suivre en direct, en radio sur Vivacité, en télé sur La Une et sur Internet sur notre site Ovio. En tennis, David Goffin a franchi le premier tour du tournoi ATP de Tokyo au Japon. Il a battu le japonais Ishioka en 2-7. Et puis autre tournoi chez nous, le tournoi Challenger de Mons. Il commence réellement aujourd'hui avec notamment 4 Belges attendus sur les courts, dont Steve Darcy en soirée qui jouera contre le Suisse Kyudinili. RTBF Mobile Info, Stéphane Piedboeuf, comment ça va ce matin sur les routes ? Stéphane Piedboeuf, depuis le centre Perex, qui devrait nous faire un état de nos conditions de circulation ce matin. On ne l'a pas, c'est pas grave, on le retrouvera un peu plus tard dans la matinée. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jetair devient TUI. Discover your smile. Un problème sur la route ? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Voilà Benjamin, je viens de vous faire gagner 2 minutes de débat pour c'est vous qui le dites. Nous on est là et on trouvera l'inforoute tout à l'heure, pas de panique. Merci Sébastien, à vous maintenant de commenter l'actu du pays. Qui livre vos vins préférés partout en Belgique ? CoraWine.be ! Oui ! Un choix comme ça, c'est chez Cora. Ou sur CoraWine.be. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Tous les matins, en direct, sur Vivacité, l'actu et les grands débats de société, Benjamin Maréchal vous donne la parole au 07 233 466. C'est vous qui le dites. Trois débats sur la table et un seul à partir de 10h pour aller plus loin. Au 070-233-466-3150 emplois liquidés hier. Sur le principe, est-ce que vous êtes d'accord avec le grand patron d'ING Belgique quand il dit « il faut créer son avenir pour ne pas en être victime » Fin de citation. Après l'annonce des 3150 emplois supprimés, beaucoup ont souligné hier le cynisme d'ING qui vire alors qu'en 10 ans, ING Belgique a reversé 7 milliards de dividendes à la maison mère hollandaise. Le cynisme également de Rick van der Berg, il est le CEO, donc le grand patron d'ING Belgique. C'est lui qui a précisé avoir mal dormi la veille de l'annonce. Mais sur le principe, c'est la question de ce matin, est-ce que son argumentaire tient la route? Il dit vouloir transformer maintenant pour éviter des problèmes après. Deux points ouvrés les guillemets. Ce qu'on veut faire pour l'avenir, c'est avoir la banque du futur. C'est transformer vraiment fondamentalement notre banque pour avoir une banque pour le futur qui puisse donner les services aux clients comme ils l'attendent de nous. Plus de digital là où ils le veulent et encore plus de conseils là où ils le veulent aussi. Aujourd'hui, le monde évolue à une vitesse incroyable. En plus, on a ce challenge des taux bas. Il faut vraiment se transformer. C'est pour ça qu'il faut avoir le courage de s'adapter quand on peut s'adapter. Il faut créer son avenir et pas attendre que vous êtes victime de tout ce qui se passe. Eh bien, c'est la question pour vous ce matin. C'est cette citation que vous allez commenter. 3150 emplois liquidés hier. Sur le principe, est-ce que vous êtes d'accord avec le grand patron d'ING Belgique? Il faut créer son avenir et ne pas attendre d'en être victime. La ministre de l'Égalité des Chances veut que le cours de gym en secondaire soit mixte. Fini les filles et les garçons séparés. Est-ce que vous y voyez un problème majeur? Depuis la nuit des temps, au moment du cours de gym, les garçons vont d'un côté et les filles de l'autre. Eh bien, Isabelle Simonis, ministre de l'Égalité des Chances, veut une plus grande égalité hommes-femmes et propose donc de rassembler les sexes pour nager, courir, faire du volley et autres activités. On fera d'une pierre deux coups puisque la mixité permettra de lutter contre le repli communautaire et religieux, dit-elle. Le rapprochement devrait se faire assez vite puisque dès 2014, les réseaux d'enseignement avaient déjà marqué un accord de principe. C'est la question pour vous ce matin. La ministre de l'Égalité des Chances veut que le cours de gym en secondaire soit mixte. Fini les filles et garçons séparés. Est-ce que vous y voyez un problème majeur? Et puis au 070-233-466, 58% des Wallons considèrent que lorsqu'une femme travaille à temps plein, la vie de famille en souffre. Une femme ne doit pas travailler à temps plein. D'accord avec ça? L'Institut Wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique publie son grand baromètre social. On a sondé le rapport des Wallons à la discrimination et on apprend donc dans ce sondage que la moitié des Wallons estiment que les femmes savent mieux s'occuper des enfants. On y apprend que 22% seulement des Wallons considèrent que la carrière d'un homme doit venir avant la carrière d'une femme. Et puis il y a cette statistique sur la femme à temps plein. Plus de la moitié des Wallons doutent donc de l'utilité, de l'efficacité, du bien fondé d'une femme à temps plein. Et c'est sans doute pour cela que lorsqu'un emploi est rare, eh bien 39% des Wallons estiment qu'il faudrait donner cet emploi à un homme. C'est la question pour vous ce matin. 58% des Wallons considèrent que lorsqu'une femme travaille à temps plein, la vie de famille en souffre. Une femme ne doit pas travailler à temps plein. D'accord avec ça? Le standard est ouvert, Marion Jomotte. Et au standard avec Zoé Boss, nous attendons vos appels par téléphone au 070-233-466 ou par SMS au 3063, 50 cents par message. Ce matin, trois débats dans C'est vous qui le dites. La déclaration cynique du grand patron d'ING, les cours de gym mixtes et enfin la vie de famille ruinée par le travail à temps plein des femmes. Le débat peut à présent commencer. Isabella Lenarduzzi, fondatrice de Jump, une organisation qui s'occupe de l'égalité homme-femme au travail et en entreprise, et Alexis Carantoni, journaliste à la dernière heure, sont les premiers à exposer leur avis ce matin. Alexis, Isabella, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Premier débat sur la table. On sait maintenant le drame social d'ING. 3150 emplois liquidés, 1700 licenciements. Mais sur le principe, Isabella, il faut créer son avenir pour ne pas attendre d'en être victime. Donc le grand patron d'ING Belgique dit clairement, ok, ça paraît beaucoup, mais autant agir maintenant que d'avoir un drame demain. Sur le principe, est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Je suis d'accord sur le principe, mais j'ai vraiment l'impression que c'est plutôt une course au benchmarking, c'est-à-dire à vérifier. Oui, c'est ça. C'est-à-dire à vérifier comment je me comporte, quelle est ma part de marché par rapport aux autres grandes banques. Et c'est une réduction de coûts, certes, qui est certainement nécessaire. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas véritablement de projet d'entreprise. Je ne vois pas comment cette banque se positionne dans le marché belge, en fait. J'ai l'impression qu'elles font toutes la même chose. On avait à l'époque une très belle histoire financière créée par des Belges qui s'appelait Keytrade Bank. Là, il y avait clairement la recherche d'innovation et ça a très très bien fonctionné. Ici, c'est quelque part du capitalisme brutal et c'est faire un peu comme tous les autres. Ah, je crois penser que ce n'est pas ce qu'il a dit hier, le grand patron d'ING Belgique. Il n'a pas dit on fait de la réduction de coûts. Il a dit, Alexis, on crée la banque du futur. On veut faire maintenant la banque du futur. On veut que ça réponde aux besoins des clients qui veulent de l'info partout, à tout moment, notamment sur le smartphone. On crée la banque du futur. Et donc pour ça, eh ben, il vaut mieux agir maintenant. Oui, c'est un petit peu... Ça a l'air enthousiasmant, hein, sur papier. Oui, c'est d'ailleurs très dérangeant, parce que quand on voit le communiqué qui annonce la chose, à la limite, la suppression des postes n'est qu'un détail dans une somme de nouvelles très réjouissantes pour l'avenir très innovant d'ING. Alors qu'évidemment, la vérité est un petit peu plus nuancée. Préparer l'avenir, anticiper... Certes. Ça, vous êtes d'accord avec lui, il a raison. Bien sûr, c'est une réalité économique à laquelle plein d'entreprises et plein de secteurs sont confrontés. La presse n'en est pas le moindre d'ailleurs. Mais après, d'accord sur la fin, la finalité, mais pas d'accord sur les moyens. Je pense que les coupes sont vraiment énormes. Alors la numérisation, certes, mais elle a quand même bon dos dans ce genre de cas. Et je pense que on se rend compte qu'aujourd'hui, la révolution numérique est en train de toucher un petit peu, comme on l'a dit sur vos antennes hier, l'industrie des services. Ça, c'est assez neuf. Mais on aura toujours besoin, lorsqu'on fait de la banque, d'un service humain. Et donc, je pense qu'on aura toujours besoin de conseillers. Sur l'évolution, est-ce que l'analyse est bonne? Là aussi, c'est la même question, Isabella. Quand le patron d'ING dit aujourd'hui le monde évolue, il faut se transformer et avoir le courage de s'adapter. Et on a vu qu'aux Pays-Bas, le même genre de réforme et de réduction du personnel n'avait pas suscité le même tollé que chez nous. Il faut avoir le courage de s'adapter. Est-ce qu'on peut dire ça à des travailleurs ou on ne peut pas le dire? Non, mais avoir le courage de s'adapter, c'est évident, parce que sinon, c'est ça ou c'est la mort. Mais il y a une manière de le faire et il y a un projet derrière qui, à mon avis, n'est pas présent. Faut quand même bien... vous le redis, il dit que le projet, c'est la banque du futur, une banque digitale. C'est quand même le symbole de l'échec du capitalisme, quelque part, en Belgique, où on avait des grands groupes, jusqu'il y a 30 ans, qui avaient un ancrage belge extrêmement fort. La BBL, c'était la fusion de deux belles histoires d'entrepreneurs, hein, la banque de Bruxelles, la banque Lambert, qui a été... Et puis, dans les années 90, on devait, avec la BBL et d'autres, faire une grande banque belge, qui aurait pu se suffire à elle-même. On ne serait pas arrivé dans le paysage devant lequel on est actuellement, où finalement, à part une banque d'État, on n'a plus aucune banque belge privée vraiment suffisamment forte. Et donc, on a perdu tout cet ancrage en vendant ING en 98. Et à partir de 2003, où on a changé le nom de BBL en ING, à partir de ce moment-là, deux ans après, quasiment à chaque année, il y a eu réduction du personnel. Mais est-ce qu'on ne peut pas appliquer ça alors à l'histoire, Alexis, dire en 2003, quand BBL devient ING, eh bien, ils ont créé leur avenir et ils n'ont pas attendu d'en être victimes. Ça, c'est la théorie du grand patron. C'est un petit peu ça l'idée. C'est toujours la question, est-ce qu'il vaut mieux tirer le premier et prendre plus de risques que les autres ou attendre d'être victime du cours des choses Voilà, on verra. Peut-être que dans 10 ans, on se dira qu'ING a été visionnaire pour le coup. C'est possible qu'on se dise ça. J'ai quand même des doutes. Okay. Après, on peut peut-être aussi s'interroger. Lorsqu'on parle de la banque du futur, moi, je regarde la banque d'aujourd'hui. Et lorsque je constate que c'est pas forcément mon cas, mais la petite dame qui est devant moi et qui va au guichet et qu'on renvoie comme une malpropre à la borne où elle doit imprimer elle-même son papier, je me dis que même la banque d'aujourd'hui, de maintenant, elle a un souci. Donc peut-être qu'il faut repenser le fonctionnement de la banque et de l'agence, certes, mais pas au détriment de l'humain pour autant. Un avis à Wavre. Patrick en ligne, bonjour. Oui. Sur le principe, est-ce que vous êtes d'accord avec le grand patron d'ING Belgique qui a donc dit, et c'est ça le fondement d'hier, il faut créer son avenir et ne pas attendre d'en être victime. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce principe? Il faut créer son avenir, mais pas de cette façon. Pas de cette façon. Pour la simple et bonne raison que maintenant, c'est tous des investisseurs qui sont là pour toucher leur argent. Et c'est tout. Ils ne pensent pas aux autres, ils ne pensent pas aux employés, c'est avoir leur argent. Point barre. Patrick, je vous dis ce qu'a dit le grand patron hier. Il n'a pas dit c'est pour donner plus de dividendes, on va dire les coûts. Il a dit, moi je suis ici dans un moment majeur de l'histoire. Je transforme ma banque. ING de demain, ce n'est pas l'ING d'aujourd'hui. Je fais une transformation d'avenir. J'invente l'avenir. Comment on peut le faire autrement? L'avenir, inventer l'avenir comme ils le font, comme ils gèrent déjà leur banque à l'heure actuelle, je ne sais pas ce qu'ils font. Il faut savoir que ING n'est que la quatrième banque en Belgique et que Bon, quand vous allez chez eux, moi je vais pour une tante qui a 93 ans chez eux, parce qu'elle ne sait plus faire ses versements à la banque, à la borne, parce que c'est, de un, c'est trop petit, c'est compliqué, et il n'y a personne pour les aider. Patrick, il a parlé de votre tante hier. Patrick, votre tante, c'est un client, et il a parlé de votre tante hier. Il a dit c'est pour donner le service au client, comme le client l'attend de nous, il veut plus de digital et plus de conseils là où il est. Les conseils comment en digital, avec ma smartphone et compagnie. Vous voyez une personne de 80, 90 ans qui va avec son smartphone, il faut arrêter. Il faut arrêter. Moi, j'étais chez Fortis avant, j'ai eu un problème avec eux, où ils s'étaient gourés dans ma transaction. Ils n'ont pas voulu intervenir, j'en ai eu marre, j'ai quitté. Je suis parti dans une banque à taille humaine où on s'occupe de vous. Et je peux dire le nom, c'est CBC Bank. Et là, je suis content. Tout ce que j'ai, vous avez peut-être vu Rick Vandenberg hier au JT de la RTBF, il a dit « moi je parle pour ma banque et le projet de la mienne, c'est de faire ça, d'être la banque de demain ». Patrick Wavre, on verra si on peut aller plus loin tout à l'heure. Donc résumons-nous rapidement autour de la table. Isabella, Rick Vandenberg a donc fait ça pour créer l'avenir, il l'a fait pour les clients, d'accord avec ça ? Et si on humanisait davantage la banque ? Je pense que ce que Patrick dit est tout à fait juste. Et si on demandait aux employés d'être avant tout là pour les clients ? Et je pense que vraiment, c'est cette dimension-là qui manque. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Il l'a fait pour les clients, signé Rick Vandenberg. Alexis ? Non, il ne l'a pas fait pour ses clients. Il l'a fait, ça c'est la façade. Il l'a fait pour les chiffres. Il l'a fait sans doute aussi pour répondre à ce qu'il pensait être le bon modèle de la banque de demain, mais à mon avis, c'est pas tout à fait le cas. Je pense pas que les gens veulent forcément plus de digital, peut-être que si, mais il y a un vrai point, c'est le côté conseil là où on est. Et je pense qu'on n'a pas besoin de virer des gens pour envoyer des conseillers là où les gens sont, sur leur boulot, chez eux, etc. C'est quelque chose qui se fait pas, ou trop peu, et qui pourrait permettre de limiter les casses dans l'emploi et de correspondre à la vraie banque de demain. C'est à vous de trancher, il y a un principe. Sur le principe, est-ce que vous êtes d'accord avec le grand patron d'ING Belgique ? Il faut créer son avenir et ne pas attendre d'en être victime. Dans un instant, le deuxième débat sur la table. Les cours de gym ne seront plus... seront... mixte à l'avenir. Ensuite, les Wallons qui considèrent qu'une femme ne peut pas travailler à temps plein. Et puis 10h45, la question qui dérange. Testacha affirme que 22 kinés sur 30 ne donnent pas le bon traitement. Testacha y est allé pour un mal de nuque. Résultat, on a posé très peu de questions aux patients et surtout, on n'a jamais utilisé la même méthode. Les kinés sont-ils des margoulins ? C'est vous qui le dites, vous donne la parole. En direct, au 070 233 466. Par SMS, 3063, 50 centimes par message. Chérie, combien de temps avant 22h ? 6 secondes, concentration maximale. Hein. Pas trop tôt, pas trop tôt. 4, 3, allez Patrick, 2, à fond, hein. 1 et go ! N'oublie pas de passer en dessous du canapé, hein. T'as quand même pas trop. N'attendez plus que la nuit tombe. Profitez du tarif de nuit aussi pendant la journée. Devenez client chez Essent.be et recevez jusqu'à 3 ans le prix de l'énergie de votre facture d'électricité au tarif de nuit. Infos et conditions au 0800 32 032. Essent.be, notre énergie, une source de plaisir. C'est moi, Hip. Je veux des petits prix. Je veux des promotions de folie. Je veux des offres de génie dans tous les rayons. Alors rendez-vous dans votre hypermarché Carrefour. En ce moment, achetez deux jeans pour seulement... bam, 12 euros. On n'a jamais vu ça. Dépêchez-vous, c'est le dernier jour pour en profiter. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. En octobre, ce sont les conditions d'automne chez Ego. Montage gratuit de votre nouvelle cuisine équipée, plus le lave-vaisselle offert. Ego, la cuisine de ma vie. Shoe Discount fête cette année ses 50 ans. Et c'est bon à savoir car il y a de super réductions sur une foule d'articles et des superbes prix à gagner. Ça, c'est bon à savoir. Bonjour, j'ai vu que vous faisiez la boxe de SFR à 39 euros par mois. Oui, je peux aussi vous mettre plein de sportifs dans votre boxe, du cycliste, du footballeur, du basketteur. Et tout ça va rentrer. Oui, à part le Bron James avec ses 3 mètres et ses 200 kilos. Toi, je vais te slam dunker ton derrière. Et voilà. SFR met plein d'émotions dans la boxe. Profitez-en pour 39 euros par mois pendant un an avec l'option Eleven Sport offerte pendant un mois. Plus d'infos au 02 226 55 55. Offre soumise à condition. SFR et tout s'accélère. Venez fêter les 30 ans du Coyote Superbiker de Métay. Comme chaque année, la plus grande compétition de supermoto au monde réunit plus de 400 pilotes au départ et de nombreuses animations. Le 30e Coyote Superbiker sur le légendaire circuit Jules Tachny à Métay, les 7, 8 et 9 octobre. Prévente superbiker.com. Gratuit pour les moins de 12 ans. Avec la 2 et Vivacité. Avis aux gourmets, jusqu'au 16 octobre, ce sont les 10 jours shopping chez Picard. C'est donc le bon moment pour faire le plein de produits à moins 30%, comme le tartare de Saint-Jacques, le foie gras ou encore la tarte aux framboises. Retrouvez toutes nos adresses sur picard.be. Picard, chaque jour un goût nouveau. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. Deuxième débat sur la table, avec vous bien sûr, avec Isabella Lenarduzzi Jump, avec Alexis Carantoni, c'est la dernière heure, les sports. Deuxième débat, la ministre de l'égalité des chances veut donc que le cours de gym en secondaire soit mixte. C'est une petite révolution, parce que jusqu'ici les garçons allaient d'un côté, les filles d'un autre. Est-ce que vous y voyez un problème majeur, Isabella ? Non, je trouve que c'est une excellente initiative de la part de la ministre Simonis qui dit effectivement la mixité est une condition de l'égalité. Je suis d'accord avec elle. C'est encore maintenant une condition de l'égalité parce qu'on va le voir dans le troisième sujet. L'égalité est vraiment loin d'être achevée et d'être arrivée. Je pense que c'est important. C'est important pour deux choses. Il y a véritablement une différence de pratique du sport par les filles et par les garçons. C'est-à-dire que les filles font beaucoup moins de sport que les garçons et surtout elles font d'autres types de sport. Et donc peut-être que quand une fille veut faire du football, le fait d'avoir des cours de gym mixte va pouvoir lui donner la possibilité d'effectivement faire, de tester le football à l'école. Est-ce qu'il y a des moments où on sort à une limite ? Ça veut dire qu'à l'avenir, les filles et les garçons, Alexis, iront nager en même temps au moment du cours de gym. Tout le monde ira à la piscine en même temps, par exemple. C'est un problème majeur ? Alors pour moi... cette mesure comporte plusieurs... Moi, je suis tout à fait contre. Vous êtes contre ? Tout à fait contre. Elle a plusieurs problèmes majeurs, à mon sens. On est dans une société où on essaye de tout homogénéiser, c'est pas facile à dire, de mettre une cohérence partout, de faire de la mixité un espèce de ghetto, etc. Moi, je trouve que c'est très bien de conserver des espaces où les filles et les garçons restent entre eux. Et pourquoi ? D'autant plus, parce que dans le cadre scolaire, ils sont tout le temps mélangés, sauf à ce moment-là. Moi, je trouve que c'est très bien. D'autant plus que l'objet du cours, c'est quand même le sport. Si on s'intéresse deux secondes au sport, on voit très bien qu'à un niveau professionnel, toutes les pratiques ne sont pas mixtes. La mixité n'existe pas. Mais là, c'est pas professionnel, c'est du sport amateur. Mais peu importe. On garde les mêmes codes. On garde les mêmes codes et les mêmes pratiques. Et les mêmes pratiques. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Et je vois pas. En plus, il y aurait plus de cours séparés. Qu'est-ce qu'on fait de l'emploi des profs de sport ? Pourquoi est-ce qu'il faut absolument toujours mélanger ? Non. Des garçons qui font du sport ensemble et des filles qui font du sport ensemble d'un côté, moi je vois absolument pas où est le malaise. Et allez poser la question aux jeunes aujourd'hui, je suis certain qu'ils sont pas du tout demandeurs de cette mixité. Isabella, réponse. Oui, mais à partir du moment où on a des cours qui sont séparés, c'est aussi une grande ouverture à tous les stéréotypes, c'est-à-dire les filles, c'est normal, elles font du sport pour maigrir, elles font du sport qui n'est pas le même que les garçons, comme justement on leur fait pas essayer le rugby. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas essayer le rugby aux filles ? Et donc, à partir du moment où c'est mixte, il y a plus de possibilités pour les uns et pour les autres. On fera essayer la danse aux garçons. Ah bah Alexis, ça donne juste plus de rugby, liberté. Les filles au rugby, non, au cours de gym. Pas du tout. Ou alors si, pourquoi pas ? Mais entre elles, pas avec les hommes. Parce qu'il y a aussi... Le résultat, c'est qu'elles n'en font pas. Il n'y a pas une différence de force, il n'y a pas un risque de force. Qu'on veuille l'entendre ou non, la morphologie d'une femme n'est pas la même que celle d'un homme. Il y a des risques physiques, c'est pour ça aussi qu'elle ne participe pas aux mêmes compétitions que les hommes. Attention, on parle d'enfants et d'adolescents. Oui, mais justement, donc, des bonhommes de 17 ans qui sont trois fois plus costauds que vous, et même que vous, Benjamin Maréchal, et c'est pas peu dire, qui vont rentrer dans l'art d'une nana qui a le même âge. Non, ça va pas. C'est je suis en désolé, secondaire, Isabella. Sport, il a le raison, sport, ça fonctionne pas comme ça. On est dans des âges où les physiques sont très formés, très différents. D'abord, les garçons, ils commencent à se former effectivement un petit peu plus tard que les filles. Donc entre 12 et 14, je pense que c'est plutôt les filles qui vont avoir le dessus. Donc je veux dire. Mais elles auront jamais une carrure. On s'en fout des différences biologiques à partir du moment où, évidemment, l'enseignant fait en sorte que les différences soient respectées et qu'il n'y ait effectivement pas d'agression physique du plus fort sur le plus faible, que ce soit une fille d'ailleurs ou que ce soit un garçon. Voyons qui est d'accord avec vous à Gève. Eric, bonjour. Oui, bonjour. Et vous êtes un ancien professeur d'éducation physique. La ministre de l'égalité des chances veut que le cours de gym en secondaire soit mixte. Fini les filles et les garçons séparés. Est-ce que vous voyez un problème majeur à la mixité du cours ? Tout à fait. Quoi ? Nos anciens inspecteurs, en tout cas, au moment où je professais, étaient tout à fait contre cette mixité, je les comprends très bien. D'abord pour une question de réduction de personnel, parce que à partir du moment où on fait passer les cours en mixité, on élimine un certain nombre de professeurs, parce qu'on fait des groupements qui font qu'un nombre de professeurs va diminuer. Supposons que ça n'impacte pas le personnel et qu'on mettra deux D'accord. enseignants par groupe. Qu'est-ce qu'il reste comme problème ? Le cours qui est très différent pour les filles et pour les garçons. Exemple ? Certaines activités sont typiques aux filles et certaines activités sont typiques aux garçons. Exemple ? Votre intervenant l'a parlé par exemple, en gymnastique féminine, on ne fait pas ce qu'on fait en gymnastique masculine. En rugby masculin, on ne fait pas du rugby féminin avec des filles en mixité. Ça ne colle pas, ça ne fonctionne pas. Et pourquoi ça ne colle pas ? Ben parce que vous ne pourriez pas mettre des garçons qui vont jouer avec une force physique intense avec des filles qui ont des problèmes, évidemment, pour pouvoir accéder à cette technique-là. Vous avez été prof de gym pendant combien de temps, Eric ? Pardon ? Vous avez été prof de gym combien de temps ? 35 ans. 35 ans, donc vous avez une forme d'expertise. Ah, Isabella, je soumets ça directement, Eric, à Isabella. Même un professionnel le dit. Ben, on a là la preuve de tout ce que j'ai raconté, c'est-à-dire que le prof lui-même, d'abord, plutôt que de penser projet société, penser projet pour enfants, va penser emploi pour sa catégorie, et de deux, est plein de stéréotypes par rapport à ce que devraient faire les filles et ce que devraient faire les garçons. C'est justement contre ça que va la mini-Simonis. Alexis, on doit penser emploi dans ce dossier où on ne peut pas penser emploi. Et je pense qu'on doit penser emploi aussi, bien sûr. On pense emploi dans tous les secteurs aujourd'hui. Pourquoi pas ici aussi ? Bien sûr qu'il faut penser emploi. Et moi, je vois rien de stigmatisant dans ce que ce prof vient de dire. Il y a sans doute des sports ou des activités ou des pratiques qui sont plus réservés au corps masculin et d'autres au corps féminin. C'est pour ça qu'aujourd'hui, mais bien sûr, je le dis haut et fort. Il y a des filles qui font de la boxe et elles le font super bien. Hein. Où est le problème ? Mais elles ne le font pas contre des garçons, hommes. Il y a des garçons elles qui dansent vachement bien aussi. Elles ne le font pas contre des hommes. C'est justement toute la nuance. Bien sûr, il n'y a pas de sports qui sont réservés aux filles ou aux garçons. Je préfère entendre ça. J'ai jamais dit ça. Mais elles le font entre elles et les hommes le font entre eux. Et ce n'est pas pour rien. Si le débat s'impose, on verra qui vous départage et qui soutient vos positions respectives. La ministre de l'Égalité des Chances veut que le cours de gym en secondaire soit mixte, fini les filles et garçons séparés. Est-ce que vous y voyez un problème majeur ? Dans un instant, troisième débat sur la table. Une femme ne doit pas travailler à temps plein. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? C'est ce que pensent la plupart des Wallons. Et puis 10h45, la question qui dérange. Testacha affirme que 22 kinés sur 30 ne donnent pas le bon traitement. Testacha y est allé avec un mal de nuque. Résultat, on pose très peu de questions sur le mal et surtout, aucun kiné n'a la même méthode. Est-ce que les kinés de ce pays sont des margoulins ? C'est vous qui le dites, vous donne la parole. En direct, au 070 233 466. Par SMS, 3063, 50 centimes par message. Viva, vivacité. Viva. 3, 4. Pommes de renette et pommes d'api. Tapis, tapis rouge. Pommes de renette et pommes d'api. Tapis, tapis lif. Croquante, juteuse, colorée, sucrée, acidulée, nature ou préparée, venez découvrir le meilleur des pommes lors de la fête de la pomme, le week-end des 8 et 9 octobre à la ferme Nopilif. La ferme Nopilif. Cultivons nos différences. Profitez de notre presse, amenez votre récolte de pommes et repartez avec votre jus. Carglass répare, Carglass remplace. Une vitre latérale brisée, on a envie de la faire remplacer tout de suite. Chez nous, chez Carglass, c'est possible grâce à notre grand stock de vitres. Nous vous aidons le jour même. Appelez-nous gratuitement ou prenez rendez-vous sur carglass.be ou via notre application smartphone. Il était une fois Baba, Ali Baba. Il habitait une grotte au milieu du désert. Oh, crotte, zut, j'ai encore oublié le code pour sortir d'ici. Eh oui, même dans les contes, l'accès à une boîte aux lettres est parfois compliqué. Vazam, ouvre-toi ! Instagram, ouvre-toi ! Crotte, c'est pas ça. C'est alors que Parthenamut inventa des solutions digitales pour permettre d'envoyer ses demandes de remboursement à l'assurance complémentaire via son smartphone ou son PC. Ah ouais, ça le fait, ça. Rendez-vous vite sur parthenamut.be/connect ou sur votre plateforme d'application préférée pour les télécharger. Parthenamut, on vous simplifie la santé. Plus de data en poche, c'est toujours utile. Pour ceci, par exemple. Allô ? Thomas, c'est maman. Tout va bien à la maison ? C'est ma mère. Oui, j'étudie à fond, là. Ah bon, c'est curieux. Je viens de voir que t'as été tagué par un de tes potes en train d'étudier à fond dans notre jacuzzi. Tu comprendras que j'ai pas liké, hein. Orange lance de nouveaux abonnements avec encore plus de volume de surf. Comme ça, vous disposez toujours de ce dont vous avez besoin. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Profitez maintenant de l'Internet ultra rapide et de la télé digitale à partir de 39 euros par mois. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions sur orange.be. Shopping. L'art contemporain s'installe au Walué Shopping pour la troisième édition de l'Art Fair, une expo trendy et gratuite. Des dizaines d'artistes de toutes disciplines exposent leurs œuvres hyper abordables. L'art contemporain sous toutes ses formes, c'est à l'Art Fair du Walué Shopping du 3 au 8 octobre. Shopping. Walué Shopping. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. Troisième débat en fonction de vos appels. Quelle conversation après 10h? On verra. Avec Isabella, Jump, avec Alexis, la dernière heure. 58% des Wallons considèrent que lorsqu'une femme travaille à temps plein, la vie de famille en souffre. Voilà le résultat majeur de ce grand baromètre social réalisé par l'Institut Wallon de l'évaluation de la prospective et de la statistique. Alexis, une femme ne doit pas travailler à temps plein. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Non, je suis évidemment pas du tout d'accord avec ça. C'est une conclusion assez rétrograde et qui donne une image assez triste de la femme. Oh ben la vie de famille en souffre, tous les Wallons le disent. Sur ce point-là, je suis relativement d'accord, mais pas en mettant une question de sexe. C'est-à-dire que je pense que si un des deux parents, peu importe que ce soit le papa ou la maman, travaille à temps partiel, la vie de famille y gagne. Donc dans ce sens-là, je suis relativement d'accord. Par contre, limiter ça à la maman et à la femme, non. Voyons le constat, Isabella. Une femme qui travaille à temps plein impacte la vie de famille. Ça impacte la vie de famille à partir du moment où son mari n'en touche pas une dans la maison. Il faut savoir que les femmes portent plus de 70% du travail non rémunéré. C'est-à-dire que par jour, elles donnent de leur temps, 3 heures en plus de leur temps, la moitié pour les tâches ménagères en plus que l'homme et la moitié pour les soins aux enfants. Par contre, l'homme passe plus de temps, 2 heures et demie plus par jour dans un travail rémunéré. Ça veut dire qu'à la fin de la vie, on a une énormité de différence entre les richesses des femmes et des hommes. Presque 3/4 des pauvres sont des femmes, en particulier avec des enfants. L'étude, elle ne porte pas sur l'argent, hein. elle porte sur la vie de famille. Mais ça a un impact immédiat. À partir du moment où on imagine que le rôle de la femme, c'est le rôle encore maintenant traditionnel, c'est-à-dire que son premier job, c'est celui d'assumer les soins à la famille, les soins à la maison. À partir du moment où on pense ça, et on pense que le premier job pour un homme, c'est d'aller ramener des sous, c'est de faire carrière, eh bien, automatiquement, on fragilise les femmes. Et quand on sait que 2 mariages sur 3 échouent, eh bien, on peut dire qu'un mariage n'est pas un plan de carrière. Et donc, les femmes, pour être indépendantes et pour avoir un minimum de survie, elles doivent absolument travailler. C'est fondamental. Il y a un raisonnement, Alexis. Si la femme travaille temps plein, la vie de famille souffre. Et donc, que disent les Wallons? C'est que quand un emploi est rare, eh ben, autant le donner à l'homme qu'à la femme. Parce que si on le donne à la femme, la vie de famille va être impactée. Encore une fois, c'est tout à fait segmentant. C'est problématique. Ceci dit, par rapport au temps partiel et au temps complet, moi je pense réellement, je le vis personnellement, que lorsque l'un des deux parents du couple est à temps partiel, la vie de famille y gagne. Les enfants se qu'ils soient hommes ou femmes. Qu'ils soient hommes ou femmes. Alors, souvent, malheureusement, c'est vrai, Isabelle a raison, malheureusement, c'est souvent la femme. Le temps partiel, on considère plus que c'est un produit, un package destiné aux femmes. 45% des femmes travaillent à temps partiel, 10% des hommes le font, et pour d'autres raisons. Pas nécessairement pour s'occuper de leur famille, mais pour faire des études supplémentaires ou pour être indépendant complémentaire. Alors, voici une femme, Annie Nov. Cécile, bonjour. Bonjour. Première chose, est-ce que vous travaillez temps plein? Oui, je travaille à temps plein. Oui. Vous faites quoi? Je suis interprète indépendante. Interprète indépendante. 58% des Wallons considèrent que lorsqu'une femme travaille à temps plein, la vie de famille en souffre. Une femme, Cécile, ne doit pas travailler à temps plein. Vous êtes d'accord avec ça? Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Eh bien vous, la vie de famille en souffre pas, temps plein? Non, pas du tout. Pourtant, j'ai 4 enfants. Mais ce qui est important, je crois, c'est le dialogue. En fait, on en a parlé avec mon mari, j'en parle avec mes enfants, parce que je voyage, c'est pour mon travail. Mais tout le monde comprend, enfin, c'est clair. Et puis il y a une répartition des tâches et non. Est-ce qu'il y a des choses au jour le jour que vous ne pouvez plus faire parce que le travail est en plein? Non, ben, je pense que c'est peut-être plutôt pour moi. J'ai moins de temps pour moi. Parce que, bon, il y a le travail, évidemment. Puis après, je vais privilégier ma famille, les enfants, leurs activités et tout. Mais alors, pourquoi la majorité des Wallons pense qu'une femme comme vous, ça nuit à la vie de famille? Pourquoi la majorité des Wallons pense ça? Je ne sais pas. Ah ben non, ça reste un point d'interrogation. Cécile, vous êtes à Ninove, en Flandre. Très rapidement, autour de la table. Pourquoi la majorité des Wallons pense ça, Alexis? Je pense qu'il y a sans doute une certaine forme de conservatisme de la vision de la femme traditionnelle. Peut-être aussi, et là je fais peut-être aussi mon mea culpa, c'est que les femmes sont plus efficaces. Plus efficaces et pas meilleures ménagères, c'est très important. Plus efficaces dans la gestion des tâches. C'est-à-dire qu'elles sont capables d'être performantes au boulot, mais aussi quand elles rentrent à la maison avec les enfants, etc. Elles évidemment ont une capacité à accumuler les choses que les hommes n'ont peut-être pas encore. Ah, il a, assez. Pourtant, il a pesé ses mots, mais ça vous va pas, Isabelle. Mais non, parce que ça fait des millénaires qu'on fait ça. Alors évidemment que. Je ne dis pas que c'est bien. On a une longueur d'avance. C'est juste parce que c'est un rôle traditionnel. Pourquoi est-ce que les Wallons pensent ça? Ben, simplement parce que ce sont des rôles qui sont les nôtres depuis des milliers d'années et que là, ben, vous savez, les femmes sont globalement plus qualifiées que les hommes, elles sont globalement plus diplômées que les hommes. Vous êtes et que temps si plein les femmes, hein, ben, moi plus que temps plein, et que si les femmes travaillaient autant que les hommes, on aurait une croissance du PIB de 26% en Belgique. Ça veut dire que c'est fondamental pour notre société. Les femmes et les hommes doivent travailler. Alors bien sûr, temps partiel, pourquoi pas, mais effectivement, de façon égalitaire, véritablement partagée. Le temps plein, Alexis? Je suis temps plein. Ok. Alexis Carantoni, Isabella Lenarduzzi. Bonne journée tous les deux. Bonne journée. C'est vous qui le dites au 070 233 466 et par SMS 3063. 50 centimes par message. 3150 emplois liquidés hier. Sur le principe, est-ce que vous êtes d'accord avec le grand patron d'ING? Il faut créer son avenir et ne pas attendre d'en être victime. Ensuite, la ministre de l'égalité des chances veut que le cours de gym en secondaire soit mixte. Fini les filles et garçons séparés. Est-ce que vous y voyez un problème majeur? Et puis 58% des Wallons considèrent que lorsqu'une femme travaille à temps plein, la vie de famille en souffre. Une femme ne doit pas travailler à temps plein. D'accord avec ça? 070-233-466 par SMS au 3063. C'est vous qui le dites, Oulart. Thomas, bonjour. Bonjour. Je vous demande si vous êtes d'accord sur le principe avec le grand patron d'ING Belgique. Il dit d'accord, on vire et j'en ai mal dormi. Mais il faut créer son avenir pour ne pas en être victime. D'accord? Je comprends tout à fait son approche, en tout cas. Ce qui est malheureux dans l'histoire, évidemment, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont perdre leur emploi, et donc c'est un drame social, et il ne faut pas le sous-estimer. Mais donc il ne provoque pas, ce patron, quand il dit ça, il ne provoque pas, il dit une réalité économique que vous partagez. Je pense que c'est une réalité économique, et c'est-à-dire que je pense aussi qu'on a, quelque part, la banque qu'on demande, dans la mesure où je pense qu'une grande majorité des gens veulent de plus en plus aller vers une banque qui coûte le moins cher possible, où les frais de transaction, tout ça, sont diminués au maximum. Moi-même ayant emprunté récemment pour acheter une habitation, un des grands facteurs de décision dans le choix de la banque, c'était les coûts qui étaient associés à l'emprunt. Ah bah alors Thomas, est-ce qu'on est devant quelque chose d'enthousiasmant? Hier, on a un patron qui a dit « Je ne fais pas du petit licenciement, je crée l'avenir, la banque du futur, un modèle que nous serons les seuls à avoir. » Est-ce qu'on est devant quelque chose d'enthousiasmant? Je ne pense pas qu'on peut dire que ce soit enthousiasmant, mais je pense qu'on peut dire que c'est nécessaire et que ce sera certainement efficace. Qu'en réduisant les coûts de fonctionnement, avec un peu de chance, ça va réduire les coûts pour les gens qui doivent emprunter. Donc vous êtes demandeur. Ça tombe bien parce qu'il a parlé de vous, Rick van der Berg, hier. Il a dit c'est ce que veut le client. C'est ce que veut le client, et la preuve, c'est que vous en êtes demandeur. Certains dans la direction d'ING parlaient hier d'un plan d'investissement. Et en guise d'investissement, il y avait des licenciements. Mais pour eux, c'est un investissement. RTBF Mobile Info maintenant, Stéphane. Un accident impliquant plusieurs véhicules, toujours sur le 42 Namur-Liège, entre Grasse-Sologne et Loncin. La bande de droite et la bande d'arrêt d'urgence sont obstruées. Il y a donc des files depuis Saint-Georges, en province de Liège, sur 9 km. Et c'est 35 minutes supplémentaires en direction de Liège qu'il faut ajouter à votre temps de parcours. Pour rejoindre la capitale, ça se passe bien sur la plupart des axes. On perd tout de même 15 minutes sur le 411 qui vient de Namur, entre Overijse et Léonard. Même temps à ajouter sur le 19 qui vient d'Anvers, entre Zemst et Macquelen. 10 minutes supplémentaires sont nécessaires, tant sur le 40 qui vient de Liège que sur le 40 qui vient de Gand. Les temps de parcours sur le ring sont en diminution, sauf entre Ytres et le Carrefour Léonard, où c'est toujours pratiquement une demi-heure supplémentaire qu'il faut ajouter. Une vingtaine de minutes pour la circulation intérieure du ring entre Grand Bigard et Zaventem. Et puis des ralentissements qui sont engendrés par des travaux avenue Franklin Roosevelt à Bruxelles. Ça engendre beaucoup de soucis en direction du centre. Et enfin, pour terminer, ce radar que vous nous avez signalé sur le 40 Liège-Bruxelles entre Linsan et Berthem en direction de la capitale. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jetair devient TUI. Discover your smile. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et dans un instant, à Braine-le-Château, c'est Daphné qui viendra dire qu'une femme ne doit pas travailler à temps plein, sinon la famille en souffre. On m'avait dit, toi, tu auras tout, gloire, fortune et amour. Enfin, revenons sur Terre. Maintenant, je veux maîtriser un métier et être capable de gérer mon entreprise. Jusque fin octobre, inscrivez-vous dans une des 70 formations proposées par l'EFP. EFP, formateur de talent. Avec le soutien du service public francophone bruxellois et du Fonds social européen. Info, efp-bxl.be. Vive à Bruxelles. En toute complicité. Sur 99.3 FM. Philips existe depuis 125 ans et chez Light Gallery, ça se fête. À cette occasion, Light Gallery vous offre une remise de 25% sur tous les luminaires et sur toutes les ampoules Philips. Rendez-vous dans nos magasins Zaventem et Drogen Boss ou sur lightgallery.com. Light Gallery, votre spécialiste en éclairage. Écoutez ça! Pour le 25e anniversaire d'Intermarché, il y a des produits 100% remboursés, des offres jusqu'à moins 50% et une super action épargne avec 25 produits gratuits. Oui, vous avez bien entendu, 25 produits gratuits, c'est exceptionnel! Intermarché, depuis 25 ans, tous unis contre la vie chère. Ouvert dimanche et jours fériés, horaire en magasin. Dis Sophie, mais qu'est-ce qui s'est passé? 9,5 sur 10? Faut te reprendre, hein? Vous êtes très exigeant? Alors les voitures d'occasion BMW Premium Selection vont vous ravir, car elles sont sélectionnées avec soin et en parfait état. En plus, jusqu'au 31 octobre, vous recevez 4 ans de garantie. Plus d'infos sur bmw.be. Chute de cheveux? Pas de panique. Commencez vite votre cure d'automne avec le sérum traitant pur essentiel anti-chute. Un complexe breveté aux 7 racines qui renforce l'ancrage de vos cheveux. Résultat? Action anti-chute 90%. 8400 nouveaux cheveux et une chevelure plus couvrante. En pharmacie, pur essentiel anti-chute, l'efficacité à l'état pur. Mon collègue Patrick m'a invité chez lui il y a pas longtemps. Et c'est parti, salut. C'était vraiment bizarre. Je te sers un petit apéritif. Magnifique. D'ailleurs, tout le monde trouve ça bizarre. Et les enfants, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Allez, c'est vrai quoi, ne pas chauffer sa maison au gaz, c'est quand même bizarre. Ok, sa rue n'est pas connectée au réseau de distribution, mais alors t'appelles Primagaz, comme tout le monde. Profitez-vous aussi du meilleur du gaz. Devenez client. Surfez sur primagaz.be pour un avantage de 200€ et l'installation gratuite de votre citerne. Primagaz, le meilleur du gaz, là où vous le voulez. Et au 070-233-466 sur la table, Marion, la ministre de l'égalité des chances veut que le cours de gym en secondaire soit mixte. Fini les filles et les garçons séparés. Est-ce que vous y voyez un problème majeur à ce propos? À ce propos, pour Valérie de Jodogne, oui, il y a un problème majeur. Valérie a 4 filles à la maison, dont 2 qui sont déjà en secondaire. Et elle explique que bien, ses filles sont bien contentes d'avoir des cours séparés à cet âge-là. Le corps change énormément et ses filles ne se sentent pas toujours très bien dans leur peau. Alors en plus, avoir des garçons qui pourraient faire des remarques pendant qu'elles font leur exercice, ce serait trop dur à encaisser pour ces deux adolescentes. C'est vous qui le dites à Braine-le-Château. Daphné, bonjour. Oui, bonjour. Et vous êtes maman de 2 enfants. 58% des Wallons considèrent que lorsqu'une femme travaille à temps plein, la vie de famille en souffre. Avant de nous dire si c'est vrai, dites-nous si vous travaillez encore à temps plein, vous. Non, je ne travaille plus du tout à temps plein, donc j'ai arrêté le travail complètement et je suis à 100% maman à la maison. Donc, une femme ne doit pas travailler à temps plein. Vous êtes d'accord avec ça? Pour moi, oui. Pour moi, oui, parce que contrairement à une maman qui parlait tout à l'heure, moi, j'ai parlé à mes enfants, enfin, surtout ma plus grande, parce que mon petit bout, il ne parle pas encore, qu'elle voulait que je reste à la maison pour que je m'occupe d'elle. C'est elle qui a demandé. Elle en avait le besoin. Elle en avait le besoin, oui. Vous n'étiez pas obligé de dire oui. Il paraît, c'est Isabella qui a dit ça, il paraît que des femmes peuvent travailler temps plein et quand même encore être là quand il faut être là. Ben, moi aussi, j'avais le besoin d'être avec mes enfants. Ça me manquait. Pour ma fille, j'en ai pas profité. Pour mon deuxième, je voulais en profiter. Et donc, j'ai décidé de rester à la maison. Votre mari est content? Ah, tout à fait, parce que ma qualité de vie est beaucoup mieux, moins de stress, je peux m'occuper de mes enfants, de mon mari, de moi et de chez moi. Mais donc, les mots ont une importance, on est bien d'accord que quand une femme travaille temps plein, la vie de famille souffre, c'est le mot, souffre. Pour moi oui, parce que mes enfants, ils avaient besoin de leur maman et pas de leur papa. Daphné, vous êtes à Braine-le-Château ce matin et vous m'avez dit oui, une femme ne doit pas travailler à temps plein. Allons à Gilly maintenant. Patricia, bonjour. Bonjour Benjamin. La ministre de l'Égalité des Chances veut que le cours de gym en secondaire soit mixte. C'est fini, les filles d'un côté, les garçons de l'autre. Est-ce que c'est pour vous un problème ? C'est vraiment un problème, oui, pour moi, oui. Quel problème ? Ben, mon petit-fils habite chez moi, il a 14 ans et malheureusement, il est obèse. Et j'estime que moi, ça va vraiment poser un problème parce qu'avec ses copains, ça se passe vraiment bien, mais si... si les filles sont mélangées avec lui, ben ça risque de poser un gros problème parce qu'à cet âge-là, elles sont assez moqueuses. Et mais les garçons, ils n'ont pas été moqueurs parce que normalement, non. Quand un petit garçon est obèse à l'école, on sait bien que les moqueries, elles viennent de partout. Là, les garçons, ils ont pari. Il n'a jamais eu de problème. Il a beaucoup d'encouragement de son professeur. Il a des beaux points. Mais je sais qu'à cet âge-là, les gamines sont... Je savais bien comment ça va. Et... Mais quel est l'enjeu, Patricia ? La ministre veut l'égalité homme-femme. Elle dit que les groupes non mixtes renforcent les comportements sexistes et une vision non égalitaire de la société. Oh, mais je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord du tout. Quel est le sens ? Tout est mixte, sauf le cours de gym. Garçons et filles ne peuvent pas faire du foot ensemble ? Disons que... Le petit serait triste, je pense. Je ne serais pas d'accord du tout. Et si on lui demandait, vous pensez qu'il nous dirait la même chose ? Oui, je pense qu'il dirait la même chose. Ça ne lui plairait pas du tout. Ok, 14 ans, problème d'obésité, pas de filles aux environs, sinon ce sera très compliqué. Nous allons, et on verra si la conversation s'impose tout à l'heure, évidemment. Nous allons à Vresse-sur-Semois après la pause. Jean-Paul viendra nous dire s'il est d'accord avec le grand patron d'ING Belgique. Hier, il a viré 3150 personnes, mais il a dit « il faut créer son avenir ». Ne pas attendre d'en être victime. Commandez vos portes et châssis avant le 31 octobre chez votre expert Profel et profitez de nos conditions d'automne incontournables. Profel, portes et châssis avec une promesse, la transparence. Votre attention, s'il vous plaît. Voici un avis important pour tous les amis. Avez-vous un ami ou une amie qui a besoin d'un espace supplémentaire ? Un endroit reposant ou un petit air d'été tout au long de l'année ? Donnez à vos amis le tuyau en or, celui de demander conseil au Véranda Willems. Et vous aurez peut-être la chance de gagner un safari plein d'aventures. Ou une croisière exclusive. Découvrez notre action grandiose et participez via toutlemondewillems.be. Willems, maître constructeur en Véranda. C'est moi, Hip. Je veux des petits prix. Je veux des promotions de folie. Je veux des offres de génie dans tous les rayons. Alors rendez-vous dans votre hypermarché Carrefour. En ce moment, achetez deux jeans pour seulement bam, 12 euros. On n'a jamais vu ça. Dépêchez-vous, c'est le dernier jour pour en profiter. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Vivacité présente. Attends, qu'est-ce que tu fais là ? Tu jettes les feuilles des carottes ? Non mais ça va pas. C'est parce que je pensais... Allez hop, passez-moi. Je vais en faire une soupe de dingue. Tu vas voir. Vous aussi devenez acteur de la Good Food à Bruxelles en quelques gestes simples. Rendez-vous sur www.goodfood.brussels. Bruxelles Environnement. Vivacité présente la nuit du feu des abonnés au domaine provincial de Chevetogne. 5 feux d'artifice, des spectacles et des ambiances féeriques. Venez en prendre plein les yeux le samedi 15 octobre dès 19h. Accès exclusivement réservé aux abonnés du domaine. Info, domainedechevetogne.be. Avec Stuve et votre journal 7 dimanche. Avis aux gourmets, jusqu'au 16 octobre, ce sont les 10 jours shopping chez Picard. C'est donc le bon moment pour faire le plein de produits à moins 30%, comme le tartare de Saint-Jacques, le foie gras ou encore la tarte aux framboises. Retrouvez toutes nos adresses sur picard.be. Picard, chaque jour un goût nouveau. C'est la rentrée aussi chez Suzuki. Mais oui, venez découvrir les nouvelles Baleno et S-Cross. Et puis vous essayerez la nouvelle Vitara. Vous pourrez même repartir avec elle dans votre cartable pour 14 799 euros seulement. Soit 4000 euros davantage. Info suzuki.be. C'est la rentrée aussi chez Suzuki. Au 0,70-233-466 sur la table, Marion. 58% des Wallons considèrent que lorsqu'une femme travaille à temps plein, la vie de famille en souffre. Une femme ne doit pas travailler à temps plein. D'accord avec ça, à ce propos? Et à ce propos, Marie de Ougré est tout à fait pour le travail à temps plein des femmes, tout simplement parce que Marie a été femme au foyer pour élever ses 3 enfants. Et après 40 ans de mariage, eh bien son mari l'a quittée. Aujourd'hui, elle se retrouve avec seulement 800 euros par mois et surtout un gros manque de reconnaissance pour tout le travail qu'elle a donné pour élever ses enfants. Aujourd'hui, Marie le dit, femme, travaillez à temps plein si vous pouvez le faire. Vrai sur ce mois, Jean-Paul, bonjour. Bonjour, Benjamin. Hier, 3150 emplois liquidés. Eric Vandenberghe, qui est le CEO, le grand patron d'ING Belgique, a dit, bon, j'ai mal dormi, je ne veux pas ça non plus, mais il faut créer son avenir et ne pas attendre d'en être victime. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce principe? Pas du tout. Pas du tout. Je suis scandalisé d'entendre un homme parler comme ça. Lui n'a peut-être pas bien dormi, mais il y en a 3700 qui vont dormir difficilement les jours à venir. Oui, mais lui, il crée la banque du futur. Oui, la banque du futur, en engendrant des bénéfices. Ils vont licencier 3170 personnes. Le directeur général d'ING a augmenté son salaire d'autant de pourcents. Aujourd'hui, c'est le monde évolue, bien. Il faut se transformer et avoir le courage de s'adapter, vous a dit hier Eric Vandenberghe. Oui, monsieur, quand ils feront une banque à caractère humain, peut-être qu'ils transformeront. J'ai entendu un téléspectateur qui vous disait une femme de 90 ans qui va à la banque, monsieur, qu'est-ce qu'elle peut encore faire avec toutes ces machines? C'est la tante de Patrick Awar. Dans une petite agence encore bien tenue, il y a un agent qui va l'aider. Mais sinon, qu'est-ce qu'on fait? On les jette, ces personnes-là. On n'en a pas besoin, ils ne rapportent pas à la banque. Oui, mais vu les petits taux, c'est ça qu'a dit le patron, vu les petits taux d'intérêt et vu la transformation du secteur, vous voulez attendre quoi, vous a-t-il dit hier dans le JT? Vous voulez attendre que ce soit la catastrophe trop tard et qu'on en licencie plus? Mais monsieur, la catastrophe, elle est prévue depuis bien longtemps. C'est eux qui l'ont fait, la catastrophe. C'est eux, monsieur. C'est un plan d'investissement. Le plus mauvais des slogans que j'ai entendu dans ma vie, et j'ai 60 ans bientôt, c'est l'humain au centre. L'humain, on n'en a plus rien à foutre, monsieur. Jean-Paul, le patron a dit hier que tout ça, dans le fond, c'était un plan d'investissement. Ils ont budgétisé une somme qui servira essentiellement à la Belgique pour permettre au personnel de partir dans des conditions valables. Mais tout ça, c'est de l'investissement dans l'avenir. Dire, ils disent beaucoup, mais quand je vois les faits, je me rends compte que ce n'est pas le cas. Vous êtes choqué? Choqué, profondément. C'est vraiment comme Caterpillar, on prend les humains pour des Kleenex, on prend, on se sert et on jette. Ah, sauf qu'ici, il y a eu la phrase prononcée clairement face à la caméra dans le JT de la RTBF. Il faut créer son avenir et ne pas attendre d'en être victime. Dans le fond, souhaitez-vous une conversation tout à l'heure sur la franchise du grand patron d'ING Belgique. Nous allons à Liège maintenant. Franck, bonjour. Bonjour. La ministre de l'Égalité des Chances veut que le cours de gym en secondaire soit mixte. C'est fini, les filles et les garçons, chacun de son côté. Est-ce que c'est pour vous un problème majeur ? Non, je ne pense pas trop. En définitive, moi je suis en équipe nationale de karaté et je suis en fait un des rares athlètes en chaise en équipe nationale. Et donc quand on est en stage élite avec l'équipe, il y a des filles, il y a des garçons et puis il y a moi en chaise, tout ça dans une grande mixité. Oui, mais vous êtes des quasi-professionnels. En secondaire, on n'est pas là-dedans. Ce n'est pas des professionnels du sport comme vous. Il faut que les jeunes s'habituent directement à pouvoir vivre dans un monde où chacun est pris pour ce qu'il est, comme il est, avec les différences qu'il peut amener. Je trouve ça très sain. Et puis bien souvent, on trouve le cas en karaté où il y a des filles qui dament le pion aux garçons. Et c'est excellent par après pour la façon avec laquelle on peut percevoir le sexe dit faible. Je vous dis ce que j'ai entendu tout à l'heure. Dans un niveau où on n'est pas encore vraiment formé au sport et athlète, on va mettre des filles au rugby? Vous mettez des filles au rugby au cours de gym en secondaire, Franck? Je ne sais pas s'ils font du rugby très très élevé, à niveau très très élevé en secondaire. Je pense d'ailleurs par ailleurs que le niveau de sport global qui est pratiqué dans les écoles est loin d'être un niveau de sport très très dur. Donc parce que le niveau est bas, on peut mettre tout le monde? Pas parce que le niveau est bas. Je pense que même à un bon niveau, et nous on le fait, on travaille ensemble. Moi j'ai plein de photos sur Facebook de collègues à travers le monde entier où les équipes, notamment en karaté, travaillent filles et garçons des fois ensemble. Et le petit-fils de Patricia qui a 14 ans et qui est obèse et qui ne veut pas se confronter au regard des filles, vous en faites quoi? Je pense que c'est aussi bien de pouvoir dire aux enfants, communiquer, de dire bon, il a ses problèmes, qui sont ses problèmes physiques à lui. Son effort qui est là est un effort admirable, tout autant qu'un enfant qui pourrait être en situation de handicap dans la classe. Ah, il y a la pédagogie, mais il y a un enfant qui ne veut pas. Le petit-fils de Patricia ne veut pas. Elle l'a dit et Patricia ne veut pas non plus. Franck, la mixité, vous connaissez. On verra si ce débat s'impose tout à l'heure. Plus de 30 000 clients ont déjà fait confiance à Williams pour remplacer leurs châssis, portes et portes de garage. Williams, la vie du bon côté. Comme eux, ne choisissez pas entre la qualité et le prix. Prenez les deux. Devis gratuit au 02 374 30 06 ou sur châssiswilliams.be. Ce samedi, il y a eu plein de gagnants, mais le jackpot loto n'a pas été gagné. Ah, extra, s'il n'est pas gagné, il y a une petite blague. Alors attention, attention, qu'est-ce qu'un yaourt dans une forêt ? Un yaourt nature ! J'aime bien celle-là. Jouez donc au loto ce mercredi. Il y a près de 2 millions d'euros à gagner. Eh ben dans ce cas, j'arrête mes blagues, idiote. Merci loto. Le plus impatient des réseaux présents. Ah, attends, attends. Quoi ? En fait, il y a une autre pub d'abord. Ah. Avez-vous déjà songé à investir dans une start-up ? Peut-être pensez-vous que c'est un privilège réservé aux business angels. Alors, vous ne connaissez pas My Micro Invest, la plateforme qui vous permet de financer des startups belges visionnaires à partir de 100 euros seulement. Vous voulez investir vraiment malin? Surfez sur mymicroinvest.com et dites oui aux entreprises de demain. Le plus impatient des réseaux présente... Ah, attends encore. Sois pas si impatient, t'as dit. Tiens, mon amour, un cadeau pour notre anniversaire de mariage. Un collier en diamant avec une petite clé. C'est la clé de ton cœur, c'est ça, hein ? Non, c'est juste une villa à Ibiza. Ah, bon, c'est bien aussi. Ce mardi, jackpot incroyable de près de 141 millions d'euros. Jouez dans votre point de vente, en ligne et sur mobile via iloto.be. Euromillions, devenez scandaleusement riche. Le plus impatient... Attends, quoi ? Bon. Le plus impatient... Allez, vas-y. Ah, ok. Le plus impatient des réseaux présente un Huawei P9 Lite pour seulement 9 euros avec un abonnement Smart Plus Phone 20. Proximus, infiniment proche. Vous êtes donc sur Viva, il est 10h. Flash est présenté par Nathalie Servet, bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Limiter la casse, c'est ce que souhaite le patron d'ING. Rick Vandenberg espère pouvoir faire descendre le nombre de pertes d'emplois annoncées. Pour rappel, il s'agit de 3150 d'ici 2021, dont 1700 licenciements secs. Pour le patron d'ING, il faut une discussion au plus vite avec les syndicats. Des syndicats qui ne comptent pas revoir la direction avant lundi. Avant cela, vendredi, il y aura grève chez ING. Un rassemblement est également prévu devant le siège social à Bruxelles. Toujours pas de fumée blanche pour le budget fédéral. Les ministres se sont quittés hier soir vers 22h. Au menu aujourd'hui des réunions bilatérales. Le gouvernement cherche 4,2 milliards d'euros pour maintenir son budget dans les clous et il planche entre autres sur une réforme de l'impôt des sociétés. Le Premier ministre Charles Michel est attendu mardi prochain à la Chambre pour la déclaration de politique fédérale du gouvernement. Le 15 octobre, le projet du budget doit être transmis à la Commission européenne. Vous venez peut-être de rallumer le chauffage. Attendez avant de remplir la cuve à mazout. Le prix du gasoil de chauffage augmente dès demain, plus 2 centimes le litre. Au procès de Bernard Westphal, place aujourd'hui aux plaidoiries. Plaidoirie des parties civiles ce matin, réquisitoire de l'avocat général cet après-midi. La défense, elle, plaidera demain, jeudi. Les jurés devraient entrer en délibération. Cet important incendie cette nuit dans un moulin à Bâtisse en province de Liège. Les pompiers ont lutté contre les flammes durant plusieurs heures. Ils étaient encore sur place ce matin. L'incendie a toutefois été maîtrisé vers 3 heures. L'ouragan Matthew se dirige vers les Caraïbes. Ses vents à plus de 200 km/h vont frapper Cuba et Haïti. Plus de 300 000 Cubains ont été évacués. De gros dégâts sont à craindre. Un homme a déjà perdu la vie. Un autre est porté disparu. Dernière course cycliste de la saison en Wallonie aujourd'hui, Binche-Chimay-Binche, au programme 194 km et quelques pavés. Tom Bonnen et Greg Van Avermaet sont notamment au départ. Météo, encore beaucoup de gris ce matin avant le retour du soleil cet après-midi. On attend même de très belles éclaircies. Les températures sont comprises entre 13 et 18 degrés. On voit comment ça roule ce matin avec Stéphane Piedbeuf. Les fils se résorbent aux portes de Bruxelles. Ça ralentit encore sur le 411 qui vient de Namur entre Overijse et Leonard. Il faut ajouter 10 minutes. Même temps de parcours supplémentaire sur le 19 qui vient d'Anvers où ça ralentit entre Zemst et l'échangeur de Macquelon. Sur le ring aussi, les temps de parcours sont en diminution. Une dizaine de minutes supplémentaires en circulation extérieure entre Ittre et le carrefour Léonard. Même temps de parcours pour la circulation intérieure entre Grand-Bigard et Zaventem. Et puis sur le réseau secondaire, un accident s'est produit sur la Nationale 5 Charleroi-Bruxelles à Genappe. Une bande de circulation est neutralisée en direction de la capitale. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jetair devient TUI. Discover your smile. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Tout de suite, c'est vous qui le dites avec Benjamin Maréchal. Merci Nathalie, je me réinstalle, je me rassieds discrètement. Voici la deuxième partie. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. Il y a 10h45, notre rendez-vous avec la question qui dérange. Les kinés de Belgique sont-ils des margoulins ? Testacha affirme que sur 30 kinés testés, eh bien 22 n'ont pas donné le bon traitement. Testacha est allé chez les kinés avec un mal de nuque. Résultat, eh bien, on a posé très peu de questions sur le mal. Et surtout, aucun kiné n'avait la même méthode. Cette étude s'est réalisée incognito. Testacha va chez 30 kinés avec une prescription pour 9 séances de kiné liées à une douleur à la nuque. Et là, si kinés posent trop peu de questions au début et donc ne peuvent pas éliminer certains problèmes et certaines affections spécifiques, et puis Testacha constate l'absence totale de directives pour le traitement à la nuque. Ils ont tous eu une méthode différente. Il y a eu de la mobilisation, de la manipulation, de la thérapie de points de pression, de la traction, de l'électrothérapie, du massage, de la réflexologie plantaire. Personne n'avait la même méthode. Nos kinés sont-ils des margoulins? Vous cherchez dans ce dossier, Mélanie Joris, le bon interlocuteur. Avez-vous une piste? Oui, eh bien on pourra aller voir du côté de l'association des kinésithérapeutes belges, c'est l'association Axon. On pourra aussi aller voir du côté de ProQKiné, c'est l'organisme qui œuvre pour la qualité de la profession. Ou encore, nous pourrons aller du côté de Testacha pour en savoir un peu plus sur leur méthodologie dans cette étude. Pour un même problème, vous avez déjà testé un kiné, ou même mieux, plusieurs kinés, vous avez un éclairage. Laissez-le à Marion Standard. Et le problème pour Gaëtan de Perbet, c'est le diagnostic du médecin. Les kinésithérapeutes ne sont pas habilités à poser un diagnostic. Ils sont tenus par la prescription du médecin traitant qui indique la pathologie ainsi que le traitement à suivre. Alors, si Testacha a reçu un mauvais traitement, c'est tout simplement parce que la prescription du médecin était mal faite. Testacha affirme que 22 kinés sur 30 ne donnent pas le bon traitement. Est-ce que les kinés sont des margoulins? Rendez-vous à 10h45. À 9h, il y avait trois débats sur la table. 3150 emplois liquidés hier. Sur le principe, est-ce que vous êtes d'accord avec le grand patron d'ING Belgique quand il dit qu'il faut créer son avenir et ne pas attendre d'en être victime? La ministre de l'égalité des chances veut que le cours de gym en secondaire soit mixte. Fini les filles et les garçons séparés. Est-ce que vous y voyez un problème majeur? Et puis 58% des Wallons considèrent que lorsqu'une femme travaille à temps plein, la vie de famille en souffre. Une femme ne doit pas travailler à temps plein. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Trois débats au 070-233-466, Marion. Et vous avez choisi d'aller plus loin dans le débat sur les 58% des Wallons qui considèrent que lorsqu'une femme travaille à temps plein, la vie de famille en souffre. Une femme ne doit pas travailler à temps plein. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est la question que l'on vous pose ce matin dans C'est vous qui le dites. C'est donc l'Institut Wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique qui a publié son grand baromètre social. On y sonde le rapport des Wallons à la discrimination, au rapport homme-femme. On apprend dans ce sondage quelques éléments, notamment que la moitié des Wallons estime qu'une femme sait mieux s'occuper des enfants. On apprend aussi que 22% seulement des Wallons considèrent que la carrière d'un homme doit passer avant la carrière d'une femme. Et puis on en vient à ce point majeur, puisque c'est la conversation que vous souhaitez très largement ce matin. Plus de la moitié des Wallons, donc la majorité des Wallons, doutent de l'utilité, de l'efficacité, du bien fondé d'une femme à temps plein, parce que ça fait souffrir la famille. Et c'est sans doute pour ça que lorsqu'un emploi est rare, eh bien 39% des Wallons estiment qu'il faut donner cet emploi à un homme. À ce propos, voilà ce qu'on a entendu tout à l'heure. J'ai arrêté le travail complètement et je suis à 100% maman à la maison. Donc, une femme ne doit pas travailler à temps plein. Vous êtes d'accord avec ça? Pour moi, oui. Pour moi, oui, parce que moi, j'ai parlé à mes enfants, enfin, surtout ma plus grande, parce que mon petit bout, il ne parle pas encore, qu'elle voulait que je reste à la maison pour que je m'occupe d'elle. C'est elle qui a demandé. Elle a le besoin.

Oui, parce que on est très fusionnelles toutes les deux. Et bon, à l'école, c'est pour cette voix, c'est maman. S'il y a un problème, c'est maman. C'est tout pour maman. Et j'en suis fière d'avoir... Si vous n'étiez pas là, qu'est-ce qui se passerait? Parce qu'on nous dit dans le sondage que la vie de famille en souffre. Si vous n'étiez pas là, Catherine, qu'est-ce qui se passerait? Tout à fait. Qu'est-ce qui s'écroule si vous n'êtes pas là? S'écroule, tout. Tout? Tout. Mais alors, si une femme ne doit pas travailler à temps plein, elle ne doit pas travailler du tout ou il y a un compromis? Si, elle peut travailler, mais pas à temps plein. Elles ont quand même une vie de famille, ce sont des femmes. Les hommes sont beaucoup plus résistants que les femmes. Donc elle doit travailler quoi? J'essaie de trouver la bonne dose alors. La bonne dose, c'est le mi-temps? Oui, tout à fait. Il y a des travaux qui sont pénibles. Moi, je vous dis, j'étais femme d'ouvrage pendant... il y a qu'au mois de janvier, je ne travaille plus, mais en plus, j'ai 49 ans. C'est peut-être aussi ça qui est encore plus pénible qu'avant. Mais je dis qu'une femme, il y a des travaux très pénibles pour une femme. Et puis une femme, c'est la joie de vivre, c'est rentrer à la maison, voir ses enfants heureux, épanouis à l'école, de voir leurs devoirs, voir qu'ils avancent bien. Donc Catherine, Catherine, est derrière eux pour tout. Pour bien comprendre, un homme qui vous dit demain, tu dois rester à la maison, c'est pas un homme sexiste, c'est un homme qui a raison alors pour vous. Rester à la maison, non, parce que bon, rester à la maison tout le temps, non. On peut travailler, mais pas à temps plein. Ok, donc c'est le mi-temps. Alors, si c'est pas le temps plein, c'est le mi-temps. Ou les autres formules aménagées, on comprend bien. Catherine, votre fille a besoin de 400% de vous. La majorité des Wallons considèrent comme vous qu'une femme ne doit pas travailler à temps plein. On change de zone. Nous allons à Arlon maintenant. C'est aussi une Catherine qui est en ligne. Catherine, bonjour. Oui, bonsoir. Bonjour. Catherine. Catherine aujourd'hui. Une femme ne doit pas travailler à temps plein. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord avec ça parce que je m'en rends compte, contrainte et forcée. Je suis maman célibataire et je pense que pour les mamans célibataires, il y a une question de choix aussi. J'élève mes enfants, j'ai deux garçons qui ont actuellement 18 et 14 ans. J'élève mes enfants toute seule depuis qu'ils sont nés. Et donc, je les assume toute seule. Mais si vous étiez à temps plein, qu'est-ce qui se passerait? Ça veut dire que je dois travailler à temps plein. Je travaille à temps plein. Je travaille à temps plein. Et ce qui s'est passé, tout simplement, c'est que je suis maintenant en burn-out. Parce qu'une maman qui doit être à la maison, faire le ménage, s'occuper de ses enfants, etc., quand elle travaille comme moi, j'étais à prendre 13 heures par jour de la maison, ça n'est pas possible. Il y a un tas de choses que vous laissez tomber parce que vous ne savez pas le faire ou que vous déléguez à d'autres gens. Qu'est-ce que vous ne faites plus alors, Catherine ? Quand vous déléguez à d'autres gens, vous payez. Donc, vous payez le ménage, vous payez la nounou qui vient s'occuper de vos enfants et vous travaillez comme une abrutie parce qu'il faut rentrer de l'argent dans les caisses parce que vous êtes maman célibataire. Et donc, à ce moment-là, ce n'est plus une question de choix. C'est bien joli de dire une maman devrait travailler à temps plein, mais parfois, une maman n'a pas le choix de travailler. Mais donc, toutes ces conversations sur le sexisme, parce que vous me dites une maman célibataire ne peut pas travailler à temps plein, est-ce que vous me livrez là une vision un peu sexiste de la société ? Non, je ne vous livre pas une vision sexiste. Je suis prête à travailler tout le temps qu'il faut, mais mes enfants, ma famille passent avant tout le reste. Souffrir, c'est le mot utilisé dans le baromètre de la vie sociale. Si vous êtes à temps plein, la vie de famille souffre? Oui, la vie de famille souffre. Et moi, j'en ai souffert aussi, puisque je suis en burn-out maintenant. Alors demain c'est quoi pour vous? C'est le mi-temps, c'est le tiers-temps, demain, le cinquième demain, temps? Demain c'est le mi-temps ou le tiers-temps, bien sûr, parce qu'en plus de ça, je m'aperçois combien de choses je suis passée à côté avec mes enfants depuis toutes ces années. Maintenant, mon enfant fait des progrès, mon fils le plus jeune fait des progrès à l'école beaucoup plus facilement parce qu'il est soutenu par sa maman, ce qui est toujours différent d'une personne extérieure. J'ai le temps de leur faire des repas équilibrés et pas à la vite-vite le soir quand je rentre à 7h30 du soir. Catherine, j'ai besoin d'un avis. Oui, mais une maman temps plein, c'est les enfants qui souffrent ? Il n'y arrive pas, c'est les enfants qui souffrent et la maman. Ah, et la maman, donc ce n'est pas forcément toute la famille ou la vie de famille, c'est les enfants et la maman. Accès prioritaire si vous êtes un homme, évidemment, dans cette conversation. C'est une conversation mixte. Je demande au standard l'avis des hommes, bien sûr. Au 070-233-466 et par SMS au 3063. La majorité des Wallons considèrent que lorsqu'une femme travaille à temps plein, la vie de famille souffre. Virouinval, José est en ligne. Bonjour. Oui, bonjour Benjamin. Vous êtes resté à la maison pour vos trois enfants. Pendant combien de temps vous n'avez pas travaillé? Je n'ai pas travaillé pendant 15 ans. C'était bien ? Oui, c'était bien parce que je me suis occupée des enfants, je les reprenais à midi à l'école, etc. Je m'occupais des devoirs, je m'occupais de la maison, j'avais tout le temps. Et puis une fois que la plus petite a eu 10 ans, ben, elle était beaucoup plus indépendante et je ne me devais pas toujours la suivre. Et moi-même, j'ai eu le besoin, je vais dire, de retravailler pour voir du monde, pour ne pas rester tout le temps à la maison, dans mes quatre murs, à toujours faire le ménage, frotte-frotte. Alors j'ai essayé de retrouver du boulot. Et j'ai eu très difficile de retrouver du boulot. Alors, un temps plein ? Vous avez retrouvé un temps plein ? J'ai finalement retrouvé... J'ai dû me rediriger, en fait. Je n'ai pas retrouvé... J'étais kiné, je n'ai pas retrouvé d'emploi comme kiné. Alors j'ai fait des études d'infirmière et j'ai trouvé un emploi à temps plein, oui. Et là, la vie de famille a vraiment changé ? Vous avez senti que la vie de famille commençait à souffrir ou pas du tout ? Pas du tout, non, parce que les enfants étaient plus grands. Je leur avais demandé leur avis, que ça... vous dérange ou quoi, à mon mari et les enfants, j'ai demandé leur avis pour pouvoir reprendre le temps plein. Et ils ont tous les quatre ont été d'accord, ont dit, bah oui, vas-y, etc. quoi. Donc, qu'est-ce que je dois en retirer comme conclusion ? C'est que la vie de famille souffre du temps plein quand les enfants sont petits, mais quand ils sont grands, oui, la vie de famille ne souffre pas. Oui, voilà, c'est ce que je pense. Et tous ces trucs de ménage et tout ça, parce que Catherine m'a dit, on peut déléguer, mais tous ces trucs de ménage et de course et de tout ça... C'était impacté quand vous avez travaillé à temps plein ? Oui, tout à fait. Mon mari s'occupait beaucoup plus des courses et du ménage. Et les enfants assumaient aussi plusieurs tâches. Et je n'avais pas tout sur le dos comme je le faisais avant. José, quel est le conseil que vous donnez aux jeunes femmes ce matin ? Parce que des jeunes femmes vous écoutent et découvrent que la majorité des Wallons préfèrent une femme qui ne travaille pas temps plein. Est-ce qu'une femme doit travailler temps plein, oui ou non ? Oui, moi je trouve, oui, mais pas tout le temps. Pas tout le temps. Ok, ça correspond à la première période de votre vie. Pas tout le temps. José Virouinval, et vous complétez donc l'analyse proposée par ce sondage. Dans un instant, nous serons à Rochefort. 5 enfants dans la famille. Parlera-t-on à un homme ou à une femme ? Est-ce que la vie en fonction sera différent ? Voyons ça dans une seconde à Rochefort. Votre piscine placée en 4 jours avec 21% de TVA offerte, optez pour Leisure Pool. Avec Leisure Pool, nagez dans la qualité et le style. Chez Servimat, dans le zoning d'Épinay ou sur leisure-pools.be. Servimat, un service qui épate. Pour leurs 51 ans, Stellemans vous offre la TVA sur des centaines de nouveautés et bien plus encore. Action du 3 au 15 octobre inclus, ouvert même le dimanche 9 octobre. Voir conditions en magasin. Stellemans. OLED, LED, électro, Wi-Fi, PC, GSM, tablette, boulevard Émile Boxtal 412. Stellemans. Vivacité présente le European Open. Le meilleur du tennis mondial, enfin en Belgique, du 15 au 23 octobre, au Lotto Arena d'Anvers. Richard Gasquet, David Ferrer et bien sûr, le Belge David Goffin. Les meilleurs joueurs seront au rendez-vous. Et vous, info et tickets sur europeanopen.be. 3, allez Patrick, 2, pas trop tôt, hein. 1 et go ! N'attendez plus que la nuit tombe. Profitez du tarif de nuit aussi pendant la journée. Devenez client chez Essent.be et recevez jusqu'à 3 ans le prix de l'énergie de votre facture d'électricité au tarif de nuit. Infos et conditions, Essent.be. Et c'est l'ingénieur Sarah qui va construire le plus long pont du monde pour tous les trains. Ingénieur au chemin de fer. Hier, ton rêve, aujourd'hui, ton job. Rejoins-nous via leschemindeferengage.be. Tong, tong, tong, j'ai presque fini. Vivacité présente la semaine numérique. Hashtag cool, apprenez à décoder les hashtag nouvelles technologies et bien plus lors de hashtag la semaine numérique du 10 au 21 octobre. Hashtag c'est bientôt, youpi. Participez à des centaines d'activités en Wallonie et à Bruxelles. Hashtag c'est pour tout le monde, hashtag pas que pour les geeks. Hashtag lol, plus d'infos, lasemainenumérique.be. Et au 070-233-466, Marion, visiblement, Catherine Ahanu a fait bondir quand elle a dit qu'une femme ne devait pas travailler jamais et devait être à 400% à la maison. Ça n'a pas plu. C'est bien ça, ça n'a pas plu. Il y a des mamans au standard qui expliquent qu'elles aiment leurs enfants, qu'elles aiment s'en occuper, mais qu'elles ont surtout besoin de travailler. C'est le cas de Fabienne Erkenin. Elle a arrêté de travailler un an pour élever ses deux garçons de 3 ans et 1 an, mais Fabienne a vite dû reprendre le travail car elle est tombée en dépression, sa vie active lui manquait. Alors même si elle adorait passer du temps avec ses enfants, eh bien elle se sentait tout simplement inutile à rester chez elle. Nadine de Godarville est plus ou moins du même avis, elle est mère au foyer et elle n'a juste pas le choix, elle doit travailler pour pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants. Nadine passe peut-être moins de temps avec ses enfants, mais au moins ils ont un toit sur la tête, ils ont de quoi manger dans leur assiette et puis ils ont surtout des vêtements. Alors Amélie de Grandlay, elle aussi a besoin de travailler pour son développement personnel, c'est pour son bien-être, elle avoue, elle dit c'est peut-être un peu égoïste, mais moi je dois travailler. Elle explique qu'elle a besoin d'être active, d'avoir des responsabilités, rester chez elle, ça l'abrutit. C'est vous qui le dites, c'est à Rochefort ce matin. Anne en ligne, bonjour. Bonjour. Et vous êtes la maman de 5 enfants. Dans le fond. 5 enfants. Dans le fond, c'est une bonne nouvelle que la plupart des Wallons ne demandent pas aux femmes de travailler à temps plein et que beaucoup d'appels ce matin disent qu'une femme ne doit pas travailler à temps plein. C'est une bonne nouvelle pour vous? Une femme doit travailler, même avec, surtout avec des enfants. Elle doit pouvoir s'assumer. Ah, du non. Jour au lendemain. José Aviron-Aval vous a dit non. Ah non, une femme doit pouvoir assumer ses enfants. Du jour au lendemain, c'est vrai qu'elle a marié, elle a le père des enfants à la maison. Du jour au lendemain, il n'est plus là. Qu'est-ce qu'elle fait si elle n'a pas d'emploi? Qu'est-ce qu'elle fait si elle a un mi-temps? Si elle a un mi-temps, il est possible qu'elle augmente son temps de travail. Oui, mais quand il y a encore le mari, ne parlons pas du pire, Anne. Quand il y a encore le mari et toute la famille, eh ben, quand elle travaille temps plein, elle fait souffrir tout le monde. Non, pas du tout. Le baromètre le dit. Toute la famille en profite. À partir du moment où la maman est en bonne forme mentale et en morale et en pleine santé, il n'y a rien à faire. Tout le monde en restant, et c'est positif pour une famille. Attendez, ça colle pas. Ce grand baromètre wallon fait une fois par an sur des jeunes, enfin ou sur des adultes en tout cas, à partir de 18 ans, 1410 individus testés, échantillons représentatifs de la population wallonne. Eh ben 58% des wallons disent qu'une femme fait souffrir la famille quand elle travaille temps plein. Ben, ça dépend de la femme, alors. Hein. Ça dépend de la famille. Tout est relatif, tout ça. Ça ben alors, relatif. Quel est l'élément? Ça dépend de quoi, alors? Ça dépend du caractère? Ça dépend du type de travail? Ça dépend de quoi? Ça dépend... Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Mais de toute façon, la famille... De toute façon, à notre époque, il y a besoin de 2 salaires donc, pour vivre normalement, pour vivre décemment, pour élever des enfants. Automatiquement, il n'y a rien à faire. La femme travaille. Hein. Mais vous, avec 5 enfants, vous avez travaillé temps plein? De nuit. Mi-temps, parfois des périodes mi-temps, des périodes temps plein. Mais je travaillais de nuit en étant là. Je rentrais le matin, je dormais le matin. Et puis alors, j'étais toujours levée quand les enfants rentraient de l'école. Je faisais les devoirs, ils avaient à souper, ils avaient leur bain. Et puis j'en étais prête, tout était prêt pour le lendemain matin. Les paquets de linge étaient prêts pour le... Mon mari à l'époque les habillait, leur donnait un déjeuner. Je rentrais et ils partaient, les enfants partaient à l'école. Oui, mais tout ça avec un mi-temps ou avec un travail de nuit, ce qui est assez spécifique. Un mi-temps ou temps plein, ça varie. Et quand vous étiez de nuit. Le travail de nuit, c'est pratique, parce qu'un temps plein, c'est une semaine sur deux. Un mi-temps de nuit, ça fait 7 nuits par mois. Repartager en deux, c'est l'idéal. Mais attendez, 7 nuits par mois, je comprends bien dans les spécificités, mais c'est pas un temps plein au sens où on l'entend. Mais même un temps plein de nuit, ça fait une semaine sur deux. Alors je dis que dans les conditions, c'est ça que je vais noter sur mon document en conclusion, je dis qu'il faut regarder le timing et les horaires de travail. Voilà ce que vous me suggérez, Anne à Rochefort. Allons maintenant dans Léonel. Un homme, René, bonjour. Oui, bonjour, Benjamin. Eh bien, voyons qui vous êtes. Est-ce que vous me dites, René, qu'une femme wallonne ne doit pas travailler à temps plein? Surtout une maman. C'est surtout la maman qui ne doit pas travailler. Il y a une auditrice qui a parlé avec 4 enfants, que son mari est divorcé, elle avait 4 enfants, elle avait dit qu'il n'y a pas de reconnaissance. Moi, ce n'est pas une reconnaissance qu'il faut donner aux mamans. C'est un statut, c'est-à-dire un salaire pour élever leurs enfants. Mère au foyer, ça nécessite un salaire. De la nation, elle cotiserait pour sa retraite et elle cotiserait pour sa sécurité sociale. Voilà. Je vous demande un avis, René. Il faut donner un statut. René, voilà. Quand on lit le résultat de ce sondage, de ce grand baromètre de l'Institut Wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique, quand on le lit dans la presse ce matin, on a l'impression que tout ça, c'est une vision sexiste, dire les mamans ne doivent pas travailler. Voilà ce que semblent nous dire les décodages de ce matin. Est-ce que vous êtes sexiste, René ? Donner la liberté, la possibilité. Si la maman veut faire sa carrière, elle est libre de le faire. Par contre, si la maman, elle préfère élever ses enfants, qu'elle élève dans la dignité, c'est-à-dire, elle est obligée de chercher des crèches, aller rechercher, courir, faire le ménage, et tous les aléas de la vie qui comportent. Et ensuite, chose qui est importante, les enfants ne seront pas livrés à eux-mêmes. Et vous, combien d'enfants à la maison, René, à l'époque ? Deux. Votre femme travaillait en plein ? Oui, elle travaillait en plein. Ah ben alors, elle faisait souffrir la famille ? Pas du tout, parce que moi, j'ai une situation particulière. Je suis indépendant. Comme je dis souvent, mes enfants, ils ont eu deux papas et un maman. Et une maman, pardon. Les horaires de votre femme, c'était quoi ? Dans quel secteur elle était ? Elle est dans le secteur bancaire. Et ses horaires, c'était quoi ? Dans l'Oreca. Et donc, c'est des grosses journées, hein. Donc, l'homme, le premier de la matinée, René, vous êtes le premier de la matinée, dit que les mamans, surtout, ne doivent pas travailler à temps plein. Une femme maintenant en ligne à Dour. Nathalie, bonjour. Bonjour. Les femmes de ce pays ne doivent pas travailler temps plein. Est-ce que ça vous convient d'entendre ça ce matin ? Non, pas du tout, non. Ah ben, tout le monde le dit, hein ? Non. Et pourquoi ça vous convient pas ? Je suis désolée. Parce que une femme peut totalement travailler temps plein, c'est parce que le moment où elle est soutenue par son mari, c'est-à-dire aidée, parce que le mari qui travaille à temps plein et qui quand il rentre, il met ses pieds sous la table, là, ok, la femme, elle a du mal, mais si elle a un mari qui l'aide, s'il a bien été appris par sa maman aussi, mais je suis désolée. Je fais toutes les petites nuances. Une maman ne doit pas travailler temps plein. C'est ça la nuance de René. Une maman ne doit pas travailler temps plein. Ou Anna Rochefort qui a dit une maman avec des jeunes enfants ne doit pas travailler temps plein. Est-ce que ça vous va comme nuance ? Non plus. Non plus ? Non, je suis désolée. Je vous dis, à partir du moment où l'homme qui travaille temps plein aussi, parce que c'est un homme, il va rentrer et mettre les pieds sous la table. Mais non, je suis désolée. À partir du moment où il aide sa femme dans les tâches ménagères, ce qu'il sait faire, ce qu'il veut faire, ce qu'il aime faire, ben voilà, la femme est aidée. Vous êtes moins, temps plein ? Elle a moins de choses. Oui. Vous faites quoi ? Je suis conductrice de bus. Combien d'heures par semaine ? 38. 38 ? Vous avez des enfants, Nathalie ? J'en ai un, de 4 ans et demi. Temps plein ? Vous faites souffrir la vie de famille ? Du tout. Et mon mari est professeur et il est à temps plein aussi. Mais qu'est-ce qu'ils veulent dire alors tous ces Wallons ? Parce qu'ils disent que la vie de famille souffre. Elle souffre de quoi alors ? Mais c'est parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne font rien chez eux, monsieur. C'est pour ça. Et votre mari fait tout ? Pas tout, mais il m'aide, bien sûr. Il fait quoi ? Mais bien sûr. Et moi, je vais même donner un conseil à tous les hommes. Aidez votre femme et vous verrez qu'elle sera plus épanouie sur quoi être aussi. Et alors, mais pourquoi votre mari l'aide et que les autres, ils n'aident pas ? Ben, parce que les hommes sont des fainéants, je ne sais pas, certains en tout cas. Ah bon, ben alors les hommes ont la parole ce matin, si vous le souhaitez, au 070-233-466, répondez à l'interpellation d'une femme qui travaille donc temps plein dans les bus. Merci Nathalie. 10h31, c'est l'heure de la proportion maintenant. Marion, dans les Appelantes ce matin, combien estime que la présence du père est aussi essentielle que la présence de la maman pour le bien-être du foyer ? 40% estiment que les pères ont autant un rôle à jouer dans le bon développement du foyer que les mères. Les pères qui travaillent à temps plein rentrent généralement tard le soir, quand les enfants sont déjà au lit. Du coup, ils ne passent pas beaucoup de temps avec leurs enfants, ils ne prennent pas le temps de s'occuper d'eux. Et les enfants souffrent de cette absence. Il n'y a pas que la mère qui est essentielle au bon développement de la vie familiale. RTBF Mobile Info, Stéphane. Et on va retrouver Stéphane sur les routes dans quelques secondes. À 10h31, le point précis sur vos conditions de circulation. Si pas, ce sera pour tout à l'heure. Laissez-nous alors le temps d'une pause. Pour la question qui dérange, dans un instant, j'attends un nom. Testacha affirme que 22 kinés sur 30 ne donnent pas le bon traitement. Les kinés sont-ils des margoulins, puisqu'ils ont tous des méthodes différentes et encore pas efficaces, d'après Testacha. J'attends un nom après la pub. L'assurance au kilomètre de Corona Direct. Maintenant, 3000 km gratuits au 02 244 22 22 ou sur coronadirect.be. Direct. Plus de data en poche, c'est toujours utile. Pour ceci, par exemple. Bonjour, je voudrais acheter de la lingerie pour ma femme, je sais pas. Ah, oui, bien sûr, monsieur, veuillez me suivre. Oui. Quelle est sa taille ? Alors là, mais je vais vous montrer une de ses photos de profil, peut-être que ça va vous aider. Oui. Regardez, là, on la voit bien en bikini dans le jardin, par exemple. Oh, il est beau, votre jardin. Oui, mais pour ma femme... Orange lance de nouveaux abonnements avec encore plus de volume de surf. Comme ça, vous disposez toujours de ce dont vous avez besoin. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Profitez maintenant de l'Internet ultra rapide et de la télé digitale à partir de 39 € par mois. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions sur orange.be. Moi, sur mon pot de Nutella, j'écrirais Bon appétit. Je t'aime. Oh, ou juste Love. T'es chou. Mais quoi, c'est vrai. Bravo, ma puce. Pour ma petite fille. Bisous. Mouah. Vous aussi, dites-le avec Nutella. Rendez-vous vite en magasin pour découvrir tous nos messages. Bonjour, j'ai vu que vous faisiez la boxe de SFR à 39 euros par mois. Oui, je peux aussi vous mettre plein de sportifs dans votre boxe, du cycliste, du footballeur, du basketteur. Et tout ça va rentrer. Oui, à part LeBron James avec ses 3 mètres et ses 200 kilos. Toi, je vais te slam dunker ton derrière. Et voilà. SFR met plein d'émotions dans la boxe. Profitez-en pour 39 euros par mois pendant un an avec l'option Eleven Sport offerte pendant un mois. Plus d'infos sur sfr.be. Offre soumise à condition. SFR et tout s'accélère. Vivacité vous invite à l'avant-première du film d'animation Cigogne et compagnie. Les cigognes ne livrent plus de bébés. Des personnages déjantés dans une aventure décoiffante. Ça c'est une caille, ça un émeu, il y a un poulet, rien de tout ça de bol. Pour y assister, le 9 octobre à 11h à Bruxelles ou à Liège, composez le 0905 56 471 50 cents par appel. L'univers du sommeil vous présente ses méga deals. 50% de réduction en octobre pour votre partenaire sur un lit double chez Hopping, Latoflex ou Wet Sleep. Univers du sommeil, votre conseiller du sommeil à Bruxelles, Linkebeek et Ternat. Conditions sur universdusommeil.be. Psst, l'univers du sommeil vous offre également la TVA sur la plupart de ses produits. Stéphane, on vous retrouve rapido sur les routes donc. Eh bien, ça va être très rapide, Benjamin, puisque la circulation se fait absolument partout. Léger ralentissement à l'approche du carrefour Léonard sur le 411 entre Overace et le carrefour Léonard, ainsi que sur la Nationale 2 entre Nosegem et Woluwe-Saint-Etienne. Et puis sur le ring, léger ralentissement en circulation extérieure à hauteur de Jésus-Aïc vers Zaventem. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. C'est vous qui le dites, la question qui dérange. Et donc Testacha s'est rendu incognito chez 30 kinés avec une douleur à la nuque et une prescription médicale. Quel est le verdict de ces visites mystères? Eh bien, 6 kinés ont posé trop peu de questions, donc n'ont pas pu faire le tri valable dans le problème. Et puis surtout, Testacha constate l'absence de directives communes. Tous les kinés, en clair, ont fait un peu ce qu'ils voulaient comme ils le voulaient. Donc les testeurs de Testacha ont eu affaire à de la mobilisation, à de la manipulation, à la thérapie des points de pression, à de la traction, à de l'électrothérapie, à du massage, même à de la réflexion plantaire. Conclusion de cette étude, Testacha affirme que 22 kinés sur 30 ne donnent pas le bon traitement. Est-ce que nos kinés sont des margoulins? Mélanie Joris, dans ce dossier, vous cherchez le bon interlocuteur. Avez-vous un nom à nous donner ce matin? Oui, eh bien vous parlerez avec Didier Leva, le président de l'Union des kinésithérapeutes de Belgique. Pour lui, le nombre de kinés consultés pour cette étude de Testacha est ridiculement petit, mais il a le mérite de mettre en évidence un point important, la nécessité de créer un ordre des kinés qui permettrait un meilleur contrôle et une meilleure formation des kinés. J'ai également eu en ligne Patrick Werion, le président de l'aile francophone d'Axon, l'association des kinésithérapeutes belges. C'est cet organisme qui a mis sur pied ProQKiné, qui développe le système de promotion de la qualité chez les kinésithérapeutes de Belgique. Et pour lui, eh bien, la priorité, c'est la mise en place d'une base légale pour une formation continue obligatoire. Cette formation continue, elle existe déjà, mais elle se fait sur base volontaire. Et dans d'autres professions, comme chez les médecins ou chez les dentistes, eh bien, cette formation continue, elle est prise en charge et payée pour les praticiens. C'est donc un réel manque, selon Patrick Werion. Alors, vous connaissez les kinés. Vous avez déjà constaté que pour un même problème, on avait des traitements un peu différents. Laissez un éclairage à Marion, standard. Oui, et le problème pour Claire Deterbeek, c'est l'étude de Testacha. Elle est mal faite, selon elle. Les kinés ne sont pas habilités à faire craquer. Ce n'est pas dans leur formation. C'est un peu bête de leur reprocher ça. Alors, si c'est l'action recherchée, Testacha aurait simplement dû se diriger vers un chiropracteur ou un ostéopathe. Testacha affirme que 22 kinés sur 30 ne donnent pas le bon traitement. Est-ce que nos kinés sont des margoulins? Rendez-vous à 10h45. C'est vous qui le dites. En attendant, vous avez choisi une conversation sur la statistique donnée par l'Institut Wallon d'évaluation de la prospective et de la statistique. La majorité des Wallons, 58%, considèrent que lorsqu'une femme travaille à temps plein, la vie de famille en souffre. Une femme ne doit pas travailler à temps plein. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? 070-233-466 par SMS au 3063. Pour commenter donc ce grand baromètre social annuel en Wallonie, on a sondé le rapport aux hommes, aux femmes, aux tâches respectives. Et voilà le résultat. Chaumont-Gistoux est en ligne. Véronique, bonjour. Oui, bonjour. Je prends d'abord vos éléments. Vous êtes maman de combien d'enfants? Alors, je suis maman de deux enfants, mais il y a une grande différence d'âge entre les deux. Vous travaillez temps plein? Oui. Dans quel domaine et quel horaire? Dans l'administration et avec des horaires assez durs, puisque j'habite le Brabant Wallon et que je travaille sur Bruxelles. Donc je dois partir très tôt le matin et je rentre relativement tard le soir à cause des embouteillages. Quelle heure? Donc donnez vos heures, vous partez à quelle heure? Alors je pars aux alentours de 5h30 du matin. Et vous revenez? Aux alentours de 18h. Vous faites souffrir la famille, d'après la majorité des Wallons, c'est vrai? Oui, je considère que oui, parce que quand j'ai le bonheur d'être quelques jours à la maison, et donc le bonheur de pouvoir m'occuper de ma fille de 3 ans, on se rend compte à quel point pour elle c'est important d'avoir sa maman quand elle se réveille, ce qui n'est pas le cas quand je travaille, puisque là c'est papa qui s'en occupe, que c'est important pour elle que je puisse l'accueillir à la sortie de l'école, ce qui n'est pas le cas non plus puisque je rentre à 18h. Ça fait quoi, parce que vous m'avez dit oui, ça fait quoi de se rendre compte qu'on fait souffrir, parce que c'est le mot que j'utilisais, ça fait quoi de se rendre compte qu'on fait souffrir son enfant? On culpabilise. On culpabilise parce qu'on se dit que quelque part on est en train de rater un tas de choses, qu'on n'est pas spécialement présent ou disponible parce qu'on peut rentrer à 18h, mais en étant totalement lessivé et donc pas disponible non plus quelque part. Donc oui, moi j'ai le sentiment de passer à côté de mon enfant. Donc une femme comme vous, ça ne doit pas travailler à temps plein. Voilà. Moi, si j'avais l'opportunité de le faire, je ne le ferais pas à temps plein. Mais comme tout le monde le dit, effectivement, ben, malheureusement, à l'heure actuelle, il faut pouvoir travailler à deux. C'est plus une question de choix, malheureusement, je pense, de nos jours, que de dire je travaille à temps partiel, parce que financièrement, il faut y arriver aussi. Et donc, voilà, moi, je me sens contrainte de travailler à temps plein en ayant le sentiment de faire souffrir ma famille. Donc, vous faites le choix de faire souffrir votre famille? C'est pas une question de choix. C'est ça le problème, c'est que c'est plus une question de choix à notre époque. C'est qu'on n'a pas le choix pour y arriver. Et donc, on a beau être conscient qu'on fait souffrir la famille, mais financièrement, on n'a pas d'autre choix que de travailler temps plein. Véronique, je fais les synonymes. La place d'une femme comme vous, c'est au foyer? Non, c'est pas spécifiquement au foyer. Mais ne pas travailler temps plein, c'est potentiellement aussi être au foyer. Oui, non, mais c'est ça. Je crois qu'il faut, aussi faire la part des choses. Je ne veux pas, je ne veux pas spécifiquement me retrouver 24 heures sur 24 au foyer parce que pendant que mes enfants sont à l'école, je peux très bien avoir une activité professionnelle. Mais je pourrais avoir une activité professionnelle qui est moins prenante, moins lourde et donc qui me permettrait quelque part de ne pas faire souffrir la famille et d'être disponible au moment où les enfants sont là. Vous êtes ce matin à Chaumont-Gistoux, victime de ces horaires, 5h30, 18h. On va se connecter au 070-233-466, Marion, avec cette conversation donc en toile de fond de nos propos ce matin, sur le revenu potentiel un jour, ou du moins espéré, des femmes au foyer. Oui, c'est bien ça. Et apparemment, il y aurait moins de femmes qui travailleraient à temps plein si jamais un revenu était alloué aux personnes qui travaillent en tant que femmes au foyer. C'est l'idée de Quentin de Jalais, par exemple. Il explique que sa femme et lui travaillent tous les deux à temps plein parce que sans ça, eh bien, ils seraient endettés. Ils sont obligés de travailler tous les deux pour pouvoir payer leurs factures à la fin du mois. Alors sa femme souhaiterait être femme au foyer pour s'occuper de leurs 3 enfants, mais sans salaire, c'est impossible. Christine de Vielsam est du même avis. Elle explique que les mères au foyer cumulent plusieurs travails. Elles sont ainsi cuisinières, femme de ménage, chauffeur personnel, éducatrice. Et tous ces métiers, eh bien, méritent un salaire et surtout une reconnaissance pour le travail fourni. Ah, un deuxième homme dans la matinée. Mété, Jean-Marc, bonjour. Bonjour, Benjamin. Vous qui avez un enfant de 14 ans à la maison, qui doit travailler temps plein dans la famille, monsieur ou madame? Parce que ça fait partie des interrogations de ce grand baromètre social. Qui doit travailler à temps plein, monsieur ou madame? Les deux, et je pense qu'il y a toujours moyen de s'en sortir. Pour mon cas personnel, quand mon fils, jusqu'à l'âge de 2 ans et demi, j'ai eu la chance d'être père au foyer. Donc je faisais la cuisine, je m'occupais de mon fils. Voilà, donc c'était une répartition de tâches qui pour moi était naturelle. Et si la plupart des hommes prenaient leurs responsabilités comme je les ai prises, il y aurait moins de charges de travail pour les femmes, ce qui leur permettrait de travailler, parce qu'il y a quand même des femmes carriéristes, comme les ministres et autres. Je ne vois pas où est le problème quand on a un enfant de ne pas travailler. Je vous dis le sondage, je vous dis l'état d'esprit des Wallons dont vous êtes à Mété. Quand un emploi est rare, eh bien 40% en gros des Wallons estiment que l'emploi, il faut le donner à un homme et pas à une femme. Vaut mieux que l'homme prenne ce travail. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que voilà, comme je vous dis, il y a des femmes qui ont besoin de travailler, qui s'épanouissent, qui sont indépendantes, qui ont des boutiques. Et moi, voilà, j'ai pris mes responsabilités en tant que père. C'est pas le temps qu'il faut pour faire un enfant, mais après, c'est toute l'éducation, tout ce qui suit. Et comme je dis encore, c'est une répartition des tâches. Et je pense que la terre tournerait bien mieux si tout le monde y mettait un peu du sien, même dans les couples. Quand j'entends la maman qui doit s'occuper du ménage, des enfants, de la bouffe et en plus de son mari, elle n'a pas trouvé le bon mari. Un homme temps plein, ça fait souffrir la famille ou pas? Et une femme temps plein, ça fait souffrir la famille ? Oui. Ah là, c'est un oui franc et clair, franc et clair. Donc pour l'homme, oui. Et pour la femme, oui. Vous êtes à Mété. Wavre, Benjamin, bonjour. Bonjour. Combien d'enfants ? 3. Un homme temps plein, ça fait souffrir la famille ? Absolument pas. Pas ? Une femme temps plein, ça fait souffrir la famille ? Absolument pas. Pourquoi c'est, les Wallons ont cette perception-là, que la femme temps plein, elle fait souffrir les enfants, monsieur, le ménage, la cuisine, les courses ? Je pense que ce sont des vieilles idées reçues, et certainement des vieilles idées reçues qui font souffrir les enfants également. Moi, je suis papa au foyer depuis 4 ans, et je me suis rendu compte assez tard, au bout de 2 ans, que ça faisait souffrir mon enfant quand les gamins lui demandaient « qu'est-ce que ton papa fait comme boulot ?» et qu'il devait répondre que papa était à la maison. Et pendant que vous étiez homme au foyer, madame faisait quoi pendant que vous étiez homme au foyer ? Madame est toujours architecte, elle tient sa boîte d'architecture. Temps plein ? Moi j'étais instituteur, à temps plein, donc du matin au soir. Mais pendant que vous étiez à la maison, madame travaillait temps plein ou dans des horaires un peu adaptés ? Non, temps plein, mais ça n'empêchait pas madame de se lever avec nous, de prendre le petit déjeuner en famille... et de rentrer un peu plus tôt, quitte à devoir travailler le soir à la maison, beaucoup plus tard. Bon, alors à propos de souffrance, vous constatez qu'être homme au foyer, ça fait souffrir les enfants quand ils doivent le raconter à l'école. Et à partir de là, vous faites quoi ? Ben, à partir de là, on leur explique que c'est une chance pour eux d'avoir un papa ou une maman à la maison. C'est une grande chance. Il y a malheureusement des couples qui ne peuvent pas se permettre de rester à la maison. C'est aussi une triste réalité de notre pays, de d'autres pays. Mais nous, on est très heureux comme ça, les enfants s'en rendent bien compte. Qui est fait pour être à temps plein ? Lui avoir expliqué plus tôt. Qui est fait pour être à temps plein ? Qui est fait pour être à temps plein ? Un papa ou une maman. Les deux ou un des deux ? Les deux. Les deux, c'est, j'ai entendu ça ce matin et c'est pas la première fois visiblement. Vous êtes à Wavre. Liège, Claire, bonjour. Bonjour Benjamin. Qui est fait pour être à temps plein dans un foyer ? Monsieur ou madame ? Les deux. Il paraît que les femmes, ça fait souffrir. Mais non, moi je ne suis pas d'accord. C'est quoi votre travail ? Moi je suis enseignante. À temps plein ? À temps plein, oui. Vous faites souffrir ? Ben, si je ne travaille pas, là je fais souffrir, oui. La Pourquoi ? Famille, j'ai besoin d'une vie sociale. Quand je ne vois personne, je suis désagréable. J'ai besoin de travailler. Mais vous avez un travail qui permet d'avoir un peu de temps de qualité en famille ? Ah ben oui, enseignant évidemment, oui. Donc qu'est-ce que je dois retenir de tout ça ? Qu'il y a travail temps plein et travail temps plein, ça dépend de la branche ? Non, non, parce que je serais dans une autre branche, je travaillerai quand même à temps plein. Et pourquoi les Wallons pensent que les femmes font souffrir ? Mais ça, je ne sais pas du tout. Mais moi, j'ai besoin d'une vie sociale, j'ai besoin de voir des gens. Ah ben je ne sais pas non plus, c'est pour ça que je vous pose la question dans ce cas. Claire, le besoin de vie sociale l'emporte, besoin de vie sociale. On va marquer une nouvelle pause et dans un instant, question qui dérange. Les kinés sont-ils des margoulins ? Ils ont tous des méthodes différentes. 6, 6, 7 et 8 octobre, tu sais où je suis ? Oui, au Westland Shopping. Oui ! Et pourquoi ? Pour la braderie d'automne, évidemment. Dis, tu lis dans mes pensées ou quoi ? Non, mais j'ai Facebook et je peux même te préciser qu'il y a plein de bonnes affaires à faire pour renouveler, par exemple, ta garde-robe. Continue. Et pour les enfants ? Atelier cire, grimeuse, jazz band, artiste de rue. Dis donc, tu serais pas en train de me dire que tu m'invites les 6, 7 et 8 octobre au Westland Shopping ? Ben mieux, je t'y emmène. Allez, viens. Info, westlandshopping.be, Ring West sortie 14, parking facile. Carglass répare, Carglass remplace. Un éclat dans votre pare-brise ? Faites-le réparer maintenant. Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne où et quand ça vous arrange. C'est super pratique et n'est possible que chez Carglass. Réservez maintenant votre rendez-vous sur carglass.be via votre PC, smartphone ou tablette. Je comprends pourquoi cette Volvo XC60 est le SUV préféré des Belges. Oh, quelle voiture ! Un système de navigation intégré hyper clair. Parking sans stress, avec l'assistance au stationnement arrière, et ces 8 haut-parleurs, quel son ! Et avec plus de 8000 euros d'avantage, j'ai bien fait de pas hésiter. En ce moment, 8310 euros d'avantage sur la Volvo XC60. Pas étonnant qu'elle soit le SUV préféré des Belges. Rendez-vous vite chez votre distributeur Volvo. Shopping. L'art contemporain s'installe au Woluwe Shopping pour la troisième édition de l'Art Fair, une expo trendy et gratuite. Des dizaines d'artistes de toutes disciplines exposent leurs œuvres hyper abordables. L'art contemporain sous toutes ses formes, c'est à l'Art Fair du Woluwe Shopping du 3 au 8 octobre. Shopping. Woluwe Shopping. Vivacité La Une et Ouf TV présente le Festival International Nature Namur du 14 au 23 octobre. La nature est un spectacle. Venez partager les meilleurs films et photos nature de la planète à la Cinépolis et dans la Citadelle. Programme festivalnaturenamur.be avec la Wallonie, la ville et la province de Namur. Vivacité présente la semaine numérique. Hashtag cool, apprenez à décoder les hashtag nouvelles technologies et bien plus lors de hashtag la semaine numérique du 10 au 21 octobre. Hashtag c'est bientôt, youpi! Participez à des centaines d'activités en Wallonie et à Bruxelles. Hashtag c'est pour tout le monde, hashtag pas que pour les geeks. Hashtag lol, plus d'infos, lasemainenumérique.be. C'est vous qui le dites, la question qui dérange. Testacha a sondé 30 kinés, et bien 22 kinés sur 30 ne donnent pas le bon traitement. Voilà la conclusion. Est-ce que nos kinés sont des margoulins? On interpelle l'Union des kinés dans un instant. Dernier éclairage au standard, Marion. Et le problème pour Didier de Liège, qui est lui-même kiné, eh bien, c'est qu'il n'existe pas d'ordre des kinés en Belgique. Et sans ordre, eh bien, la profession ne sait pas s'organiser ni se contrôler. Alors donnez un ordre des kinés aux kinés et vous verrez, ce genre de problème ne se posera plus. Le président de l'Union des kinésithérapeutes de Belgique est en ligne. Didier Leva, bonjour. Bonjour. Que dit Estacha? On est dans le cabinet du kiné et certains ne posent même pas de questions sur les sources possibles du mal. Il n'y a pas ce dialogue pour éliminer des pistes, ils foncent. C'est normal? D'abord, je donne raison et tort à la fois à Testacha. Tort dans le sens où c'est une étude sur 30 personnes et évidemment, ce n'est pas du tout représentatif ni scientifique. Ensuite, je lui donne raison car étant moi-même donc au Conseil médical provincial, c'est vrai qu'on voit parfois développer des techniques très spéciales. Didier Leva, je reviens au début de cette consultation, même si ce n'est pas tous. Il y en a quand même 6 qui ne posent pas de questions aux patients. C'est normal? Oui. Non, mais ce n'est absolument pas normal, évidemment. Hein. Et alors, bon, ben, c'est difficile, évidemment, en 3 minutes, mais je vais essayer de faire simple. J'étais il y a 3 semaines en France, donc on a un ordre, tout est bien organisé. Les médecins, les pharmaciens ont un ordre qui, entre guillemets, met de l'ordre dans la profession. Chez nous, on n'a pas ça. Donc, par contre, nous... Et donc, s'il y avait un ordre, est-ce que tous les patients auraient été traités avec la même méthode? Puisqu'ici, Testacha a tout eu, de la mobilisation à la manipulation, à la thérapie des points de pression, à la réflexologie plantaire. Est-ce que vous me dites que c'est normal, les kinés ont des pratiques différentes, ou vous me dites que ce n'est pas normal, il faudrait une seule réponse à un problème de nuque? C'est normal, donc, chaque kiné ait une pratique différente, mais ce n'est pas normal d'avoir une telle diversité de pratiques, alors que nous, organisation de défense professionnelle, on organise également des cours qui sont d'ailleurs certifiés région wallonne, malheureusement pas région bruxelloise. Donc, qui est un label très, très difficile à avoir, qui demande des heures de travail, et donc, les formations sont quand même organisées. Évidemment, on ne peut pas empêcher des collègues d'aller à n'importe où, malheureusement, justement, parce qu'il n'y a pas d'ordre. Hein, comment on explique ça? Vous êtes l'union des kinés, vous n'avez apparemment pas de mécanisme de contrôle, alors que l'association des kinés a un organisme de promotion de la qualité, donc contrôle d'une certaine manière. Eh bien, je suis pas vous en parler, qui s'appelle, vous l'avez cité tout à l'heure sur vos ondes, qui s'appelle ProcuKiné. ProcuKiné a dépensé 4 millions d'euros et quasiment pas un sou de retour pour les praticiens. Donc ce sont les organisateurs qui ont gardé pour l'organisation de cette organisation qualité qu'on gardait l'argent, et ça, ce n'est pas du tout normal. Je ne dis pas qu'ils n'ont été triqués par les mutuelles qui ont, comme l'ordre, un peu dans le même principe, voulu faire un système différent pour les kinés. Nous, on ne fait pas comme les dentistes ou comme les médecins, on fait un autre système, et évidemment, le système n'a absolument pas marché, c'est cassé la figure. Et donc, si c'est la guerre des méthodes entre vous, l'Union, et ceux de l'association, si c'est la guerre, c'est pour ça que le patient, il est victime? Il y a un problème de kiné dans ce pays? Non, il y a un problème d'organisation parce que le politique et les mutuelles ne veulent pas qu'on s'organise parce que c'est pas dans leurs intérêts, parce qu'il y a des lobbies, il y a des polycliniques, il y a des maisons de repos où on fait travailler les kinés avec un gros pourcentage, où il y a une certaine spécialité de médecin qui fait que on touche un certain pourcentage. Et tout ça, c'est des systèmes qui n'existent qu'en Belgique et qui n'est pas du tout normal et qui écrasent la profession. Vous pensez bien qu'un fonds indépendant à qui on prend 70%, lui ne sait plus donner des soins de qualité normale. Hein. C'est de l'esclavage des temps modernes, mais ça existe dans notre profession. Et donc, aujourd'hui, mardi, il n'y a aucun moyen de savoir si je vais chez un kiné qui a une bonne pratique. Il n'y a aucun moyen de le savoir. Mais le médecin traitant, bien sûr, parce qu'on est prescrit. On travaille sur prescription. Donc, le médecin traitant, il y a toujours... ou le médecin spécialiste dans certains cas, mais il y a toujours au départ du médecin traitant qui est le centre, évidemment, qui est en première ligne au niveau du patient. Mais Testachat avait une prescription, hein, et ils ont découvert des dizaines de méthodes différentes. Ils avaient une prescription de médecin. Oui, mais il existe aussi des gens qui travaillent avec prescription et où le médecin n'envoie pas chez le kiné avec qui il travaille. Hein, donc on est quand même libre, ils peuvent choisir avec une prescription, on peut aller où on veut, hein, au nord ou au sud du pays. Est-ce que c'est rapidement, est-ce que tous ces kinés qui n'ont pas bien soigné méritent une sanction? Mais je vous dis, l'étude de Testachat n'est pas fiable, mais néanmoins il y a un problème. Il faut remettre de l'ordre, et alors notre amie Maggie Debloc a une solution, mais elle veut faire une solution sans l'avis de la profession. Alors on retient Didier Levac, vous actez le problème, vous êtes président de l'Union des kinés, merci. Un budget, un projet, visitez notre showroom. Condition 30e anniversaire, jusqu'à 5000 euros d'avantage. Véranda Confort, ma solution. Info verandaconfort.be. La Pro League, la Coupe de Belgique, la Champions League, l'Europa League, les Diables Rouges. Vivacité, le top du foot, c'est chez nous. Je vois dans ta vie du succès, de l'argent ou une maison avec piscine. Mouais, je crois que je vais plutôt confier mon avenir à l'EFP. Tu plonges dans la vraie vie tout en apprenant un vrai métier. Inscription dans plus de 70 formations jusqu'à fin octobre. Avec le soutien du service public francophone bruxellois et du Fonds social européen. EFP, formateur de talent. EFP-BXL.be. Stop ! Dormir, c'est important, mais ce n'est pas le moment. Durant tout le mois d'octobre, la Literie Libo vous propose toute la literie et accessoires hors TVA. Depuis plusieurs générations, la Literie Libo veille sur votre sommeil et chouchoute tous ses clients avec, en cadeau, la TVA offerte. Le rêve. Profitez-en. Literie Libo fête ses 90 ans. Rue de l'Étang à Etterbeek, à proximité de la place Jourdan. Les nouvelles tendances maquillage sont déjà chez Dee. Des coloris sublimes, des collections exclusives. En ce moment, jusqu'à moins 50%. Dee, faites-vous plaisir. 3, allez Patrick, 2, pas trop tôt, hein. 1 et go. N'attendez plus que la nuit tombe. Profitez du tarif de nuit aussi pendant la journée. Devenez client chez Essent.be et recevez jusqu'à 3 ans le prix de l'énergie de votre facture d'électricité au tarif de nuit. Infos et conditions, Essent.be. Tu sais, chez Abio... Oui, je sais, dommage qu'Abio me le fasse que des châssis. Oui, mais en ce moment, ils font des conditions à moins 30%. Abio, fenêtre, porte, véranda. Abio.be. Mais ma chérie, je ne peux pas demander conseil à Abiome pour la couleur du nouveau canapé. Et pourquoi pas, ils ont les meilleurs conseillers, tu sais. Seulement pour les portes, les fenêtres et les vérandas, chérie. Pas pour les canapés. Abiome, depuis 38 ans, les meilleurs spécialistes. Mais seulement pour vos châssis. En ce moment, condition automne à moins 30%. Abiome, fenêtre, porte, véranda. Abiome.be. Shoe Discount fête cette année ses 50 ans. Et c'est bon à savoir, car il y a de super réductions sur une foule d'articles et des superbes prix à gagner. Ça, c'est bon à savoir. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. Et nous voici au moment des enseignements. On commence par le débrief question qui dérange sur ces kinés qui ne pratiquent pas bien après Testachat. Sur la page Facebook, Zoé Boss. Et sur la page Facebook où vous êtes 41 966 à faire le débat ce matin, dont Marc. Marc pose cette question parce que Testachat s'y connaît également en médecine, peut-être. Cette étude n'a pas de sens selon Marc. Allez voir 30 chirurgiens pour un mal de genou et vous verrez ce qu'ils vous conseillent. C'est exactement pareil, c'est inutile. Vous avez choisi une conversation sur le grand baromètre social. 58% des Wallons considèrent que lorsqu'une femme travaille à temps plein, la vie de famille en souffre. Une femme ne doit pas travailler à temps plein. Eh bien, il y a celles qui le savaient, comme Catherine, 49 ans, qui estimait que les mamans devaient être mamans à 400% et au foyer. Et puis, il y a celles qui l'ont découvert en cours de route, comme Catherine à Arlon, maman de deux enfants. À force de tout cumuler, elle a connu le burn-out. s'il y a des conditions, pas de temps plein, avez-vous dit, pour une maman, plus restrictif encore, pas de temps plein pour une maman, mais uniquement si les enfants sont jeunes. Enfin, une conversation sur les papas à temps plein font-ils souffrir la famille ? Oui, a dit Jean-Marc de Mété en hésitant. Dernière personne à laquelle vous avez parlé au standard, Marion. C'était Sébastien de Fernelmont. Sébastien est triste d'entendre tant d'avis rétrogrades ce matin. La femme de Sébastien, elle est indépendante et elle travaille plus qu'un temps plein. Sébastien, lui, il estime que les papas ont aussi leur rôle à jouer. Alors, en accord avec sa femme, il est passé en 4/5e. Il est à présent plus présent à la maison et quand sa femme rentre du travail, elle peut profiter de leur fille. À 9h, il y avait 3 débats sur la table et vous avez choisi une conversation sur le consensus wallon. Oui, les femmes font souffrir quand elles travaillent temps plein. Parmi les moments de ce matin. Ce matin, il y a eu Catherine de Hanu à 10h15. Pour Catherine, la femme doit être à 400% à la maison. Elle ne doit pas travailler à temps plein. Une femme ne doit pas travailler à temps plein. Une femme doit être à 400% à la maison. Regarder aux enfants, faire les courses, faire le ménage, faire à manger et encore avoir le travail. La femme n'a pas le droit d'être malade. La femme n'a pas le droit d'être fatiguée. On peut travailler, mais pas à temps plein. Les hommes sont beaucoup plus résistants que les femmes. Je suis d'accord avec ça parce que je m'en rends compte, contrainte et forcée. Je suis maman célibataire et j'élève mes enfants toute seule. Je suis prête à travailler tout le temps qu'il faut, mais mes enfants, ma famille passent avant tout le reste. La vie de famille souffre et moi j'en ai souffert aussi puisque je suis en burn-out maintenant. Une fois que la plus petite a eu 10 ans, elle était beaucoup plus indépendante et j'ai eu le besoin, je veux dire, de retravailler. Mon mari s'occupait beaucoup plus des courses et du ménage et les enfants assumaient aussi plusieurs tâches et je n'avais pas tout sur le dos comme je le faisais avant. C'est surtout la maman qui ne doit pas travailler. Il y a une auditrice qui a parlé avec 4 enfants, que son mari est divorcé, elle avait 4 enfants, elle avait dit il n'y a pas de reconnaissance. Moi, ce n'est pas une reconnaissance qu'il faut donner aux mamans. C'est un statut, c'est-à-dire un salaire. Pour élever leurs enfants. Une femme peut totalement travailler temps plein, c'est à partir du moment où elle est soutenue par son mari, à partir du moment où il aide sa femme dans les tâches ménagères, parce que le mari qui travaille à temps plein et qui, quand il rentre, il met ses pieds sous la table, là, ok. Je dois partir très tôt le matin et je rentre relativement tard le soir quand j'ai le bonheur d'être quelques jours à la maison et donc le bonheur de pouvoir m'occuper de ma fille de 3 ans. On se rend compte à quel point pour elle c'est important d'avoir sa maman quand elle se réveille. On culpabilise. Moi, j'ai le sentiment de passer à côté de mon enfant. C'est une répartition des tâches. Et je pense que la terre tournerait bien mieux si tout le monde y mettait un peu du sien, même dans les couples. Et je rassure ceux et celles qui travaillent à temps plein, même à temps plein, vous pouvez, depuis le bureau, utiliser la page Facebook de C'est vous qui le dites. Sur Facebook, n'hésitez pas, elle est à votre disposition. À demain.